des discussions en vue d'assurer une trêve limitée s'ouvriront lundi en Arabie Saoudite entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. L'effort de réarmement se met en place en France, la passe notamment par la production de munitions. Une relocalisation à marche forcée hier à Bergerac. Les ministres des Armées et de l'Économie ont inauguré la nouvelle usine Eurinco. Elle doit fournir de la poudre à canon pour la France et ses alliés. Jusque-là produite en Suède, elle servira aux obus des chars César. Le site fonctionnera 24 heures sur 24, plus de 300 jours par an. Claire Decharrier a pu le visiter pour Europe 1. Une unité de poudre construite en à peine un an, voilà le résultat de la forte hausse des commandes depuis la guerre en Ukraine. David est chef de production chez Eurinco. 15 bâtiments pour représenter à peu près 7000 m² de surface au sol exploitable pour permettre la fabrication de poudre gros calibre. L'objectif que nous avons, c'est de produire l'équivalent de 1800 tonnes de poudre à horizon 2026 sur ce site de Bergerac. Les bâtiments sont espacés et construits pour éviter toute réaction en chaîne en cas d'explosion. Donc là, on est dans le bâtiment le plus blindé. Comme vous pouvez le voir, l'épaisseur des murs, c'est quand même pas n'importe quoi. On parle de 65 cm d'épaisseur de mur. L'entreprise a vu son nombre d'employés doubler depuis 2019 grâce, entre autres, à la création de cette unité. Une aubaine aussi pour la ville de Bergerac, son maire Jonathan Priolo. La ville de Bergerac accompagne les familles à s'installer. On a lancé un plan de construction de logements sur la ville. On accompagne sur l'inscription scolaire, sur la vie associative. Donc tout est fait pour que les nouveaux salariés de Renco soient accompagnés dans les meilleures conditions possibles. Sur le site, de nombreux hectares sont encore disponibles pour augmenter la capacité de production nécessaire. À Bergerac, Claire Decharrier pour Europe 1. Un revers pour Bruno Retailleau cette nuit à l'Assemblée qui a voté pour le maintien de la confidentialité des messageries cryptées. Le ministre de l'Intérieur souhaitait permettre aux services de renseignement d'accéder aux conversations WhatsApp ou Signal des narcotrafiquants. Les députés insoumis, écologistes et communistes se sont succédés au micro pour dénoncer un nouveau pas vers une surveillance généralisée. Il est 5h34, vous écoutez Europe 1, bonjour. Dans l'actualité judiciaire, le dernier jour du procès de Mehdine Emouch. Le tueur du musée juif de Bruxelles, poursuivi, je vous le rappelle, avec 4 co-accusés pour son implication présumée dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie. Mercredi, le parquet a requis la réclusion à perpétuité contre Mehdine Emouch. Et hier, la défense a eu la parole toute la journée. L'avocat a plaidé l'innocence de son client. Compte rendu d'audience pour Europe 1 avec Jean-Baptiste Marty. T'as deux notes en main, maître Villemain, debout devant Mehdine Emouch, assis dans le box, s'emporte. Ce n'est pas un procès auquel nous avons assisté. Et il pointe du doigt l'avocat général, le ton menaçant. Vous avez voulu que tout soit filmé, des caméras aux quatre coins de la salle. Ici, en réalité, c'est un film, le parquet, le producteur. Et vous êtes les acteurs, s'égosille l'homme. Sous le regard amusé du ministère public, il dénonce un procès médiatique joué d'avance, où son client, Mehdine Emouch, est condamné avant même la fin. Rouge de colère, maître Villemain se tourne ensuite vers les anciens otages. 10 ans d'instruction et 10 ans de confusion, les surnoms, la voix, le physique. On nous dit que le geôlier français avait les yeux bleus. Et il se tourne vers Mehdine Emouch en le pointant du doigt. A-t-il les yeux bleus? Non, il a les yeux noirs, s'exclame le conseil qui poursuit. Vous avez concentré le tir sur une cible et une seule, Emouch. Vous voulez juste trouver un coupable, martèle l'avocat sous le regard médusé de l'ex-otage Didier François. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Enfin, un savoir-faire désormais universellement reconnu, celui des couvreurs zingueurs. Oui, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en début de semaine au registre du patrimoine vivant. Une vraie reconnaissance pour ces professionnels qui œuvrent chaque jour à la préservation de la capitale française recouverte de toits en zinc. Et pour l'occasion, Charles Bouchain est allé en hauteur pour Europe 1 à la rencontre d'un couvreur zingueur reportage. Perché à une dizaine de mètres de haut entre les immeubles haussmanniens, Jean joue les équilibristes sur un toit de Paris. Couvreur depuis 30 ans, il débute aujourd'hui la pose d'une toiture en zinc. Et il est tout neuf, donc il est chromé. Après, il se patine, il devient cet aspect gris, grisonnant, naturel. Les manches retroussées, l'homme de 44 ans aime tout particulièrement travailler ce métal. Alors le zinc, c'est magnifique, c'est un rouleau à la base. On le découpe sur des plis à zinc, on le façonne, on les plie, on les découpe. Et après au marteau, on tape, on tapote, on fait ce qu'on veut avec le zinc. C'est comme un bijou. Et au-delà de l'aspect technique, ce que Jean apprécie, c'est de préserver un patrimoine architectural vieux d'un siècle et demi. Ça vient de chez nous quand même. C'est la France là, l'état pur. Le baron Haussmann avec Napoléon, ils ont fait en 17 ans 37 000 toits en zinc. C'est énorme, ils ont bien bossé quand même. Hein. C'est un métier extraordinaire, c'est la liberté. Merci au baron, merci à Napoléon. Et depuis Napoléon, les techniques ont bien évolué grâce à des outils plus modernes, mais il faudra tout de même un mois à Jean et ses équipes pour venir à bout de ce chantier de 50 mètres carrés. Reportage Europe 1 de Charles Bouchain. Et puis un mot de football. L'équipe de France a raté sa rentrée à Split en Croatie hier soir. Défaite 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Il faudra donc réaliser un grand match dimanche soir et renverser les Croates pour entamer plus tôt les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Allez, on croise les doigts. Merci Théo Grévin. Il est 5h37. Bienvenue à tous sur Europe 1. Dans quelques instants, Marion Gagnon. Rendez-vous avec les enfants d'Europe 1. Et ce matin, retour sur les attaques terroristes de Mohamed Merah. C'était en mars 2012. D'abord, les pronostics du Quintet. Avec vous, Thierry Léger. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. C'est en semi-nocturne à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet. Une course aux trois attelés qui réunira 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Et j'ai fait de Gamma des Îles, le numéro 13, mon favori, facile lauréat le 20 février à Vincennes d'un Quintet similaire disputé justement sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir. Et il se présente ici avec de solides arguments. On lui opposera les numéros 15, Grand Roi Kaluma, qui reste lui aussi sur une probante performance obtenue à ce niveau sur l'hippodrome de Vincennes. Une deuxième place le 26 février, ce qui lui confère à l'évidence une réelle chance. 9, Ikem Damer, titulaire de 6 victoires lors de ses 7 dernières courses. 2, Yalko Genila, volontairement ménagé l'hiver dernier et qui dès sa deuxième sortie cette année a su renouer avec la victoire. Et 10, Instant d'Eaufort, un trotteur fiable sur lequel on peut souvent compter pour conclure à coup sûr dans les 5 premiers. Le 8, Gisaro. 6, Indice d'Argent et 5, Hilton de Mélande. Eh bien, ces trois-là compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 15, 9, 2, 10, 8, 6, 5. Merci Thierry Léger. Et vous retrouvez dès maintenant tous les pronostics de Thierry Léger sur l'appli Europe 1 et sur Europe 1.fr. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Avec les archives d'Europe 1, le souvenir tragique ce matin des assassinats terroristes perpétrés par Mohamed Merah qui aura fait 7 morts, 3 enfants juifs, un père de famille devant l'école juive Ozar HaTorah de Toulouse ainsi que 3 militaires. Merah abattu le 22 mars 2012 après de longues heures de face-à-face avec la police. Oui, 32 heures de négociations avec le RAID. Mohamed Merah s'est retranché dans son appartement dans un quartier pavillonnaire de Toulouse. Les hommes du RAID réussissent à échanger avec lui, soit à travers la porte, soit via le talkie-walkie que la police lui a fourni. Quelques heures avant l'assaut, un ancien négociateur du RAID analyse la situation sur Europe 1. S'il a des réserves avec lui, il est capable de tenir longtemps. Même si là maintenant, il est privé d'eau et de plusieurs moyens de confort, on va dire, particulier. On découvre que Mohamed Merah a séjourné en Afghanistan, qu'il est suivi par les services de renseignement français. Pourquoi l'a-t-on laissé filer ? Demande cet expert des questions de terrorisme, François Hesbourg, sur Europe 1. Notre immunité par rapport aux attentats ne pouvait pas être éternelle. Un jour ou l'autre, un terroriste allait passer à travers les mailles du filet et allait réussir son coup. On est en 2012 et il n'y avait pas eu d'attentat réussi en France depuis 1996. À un moment, les hommes du RAID pensent que Merah va se rendre. Il affirme qu'il ne se sent pas l'âme d'un martyr. Il jette même une arme par la fenêtre. Mais le terroriste se ravise. Il se dit prêt à mourir les armes à la main. Les policiers du RAID progressent lentement dans l'immeuble. L'assaut final est donné le 22 mars 2012. Le journaliste d'Europe 1 Stéphane Place raconte. Là, vraiment, ce sont des tirs en rafale et ce sont sans doute les tirs les plus nourris que l'on ait entendus depuis hier matin, 3h20, au moment où la police s'est présentée au domicile du suspect. Mohamed Merah était invisible, caché au fond de l'appartement. Une caméra le débusque dans la salle de bain, détaille le journaliste Alain Acco. C'est un endroit idéal pour ne pas être capté par les caméras thermiques. Il y a une baignoire, on peut se camoufler sous un matelas. Mohamed Merah sort finalement de chez lui en ouvrant le feu, il est abattu. Il portait un gilet pare-balles et une djellaba noire. Retrouvé à côté de lui, son arme contenait encore 2 balles. Merci Laure d'Autriche. Réalisation François Desmoulins. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Enfants d'Europe 1 dès à présent sur l'appli Europe 1 et sur Europe 1.fr. Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 5h41, Alexandre Lemaire. C'est l'heure de jouer Marion Gagnaud avec les enfants d'Europe 1 et encore une chance cette semaine de remporter ce cadeau. Et attention, c'est votre dernière chance, ne passez pas à côté de ce magnifique cadeau puisqu'Europe 1 vous offre une évasion de 3 nuits à l'abbaye de Talloire. Un très beau hôtel de 4 étoiles qui fait face au lac d'Annecy avec une vue à couper le souffle. C'est une abbaye royale de 1000 ans d'histoire transformée en hôtel-restaurant avec un spa de 200 mètres carrés. Vous pourrez évidemment profiter de ce spa et vous serez également invité au restaurant gastronomique du chef Yoeo Saka qui va composer pour vous une très belle balade culinaire où il exprimera les goûts et les couleurs des produits de Haute-Savoie. Allez découvrir ce lieu magique sur abbaye-talloire.com. La question du jour pour tenter votre chance. Vous savez qu'on a fêté hier l'arrivée du printemps dans notre hémisphère nord. Quand aura donc lieu l'équinoxe de printemps, cette fois dans l'hémisphère sud? Réponse A, ce sera au mois de juillet. Réponse B, en septembre. Je vous laisse un petit indice, c'est le mois de la rentrée des classes. Ah oui. C'est à vous. Allez. Un petit indice là. Pour jouer, vous envoyez évasion au 7-39-21. 2 x 75 centimes plus le coût du SMS. Et vous le savez, chaque jour, un gagnant est également tiré au sort parmi les inscrits et remporte son abonnement au JD News. C'est votre magazine d'actualité en kiosque tous les mercredis. Eh bien, félicitations ce matin à Hélène qui habite Mérignac et qui gagne son abonnement. Bravo Hélène et allez, bonne chance à tous. Europe 1, il est quasiment 6h moins le quart. Votre invité Alexandre Lemaire est député du Gers Ensemble pour la République. Bonjour Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Le conclave sur les retraites initié par François Bayrou va donc continuer. Mais dans quelles conditions? Plusieurs syndicats ont quitté la table des concertations, dernier en date la CGT. On va dans le mur une nouvelle fois sur cette réforme des retraites. Je ne crois pas, en tout cas je n'espère pas. Je pense que personne ne peut reprocher au Premier ministre d'avoir essayé, c'est-à-dire d'avoir envoyé aux partenaires sociaux la responsabilité de faire évoluer la loi telle qu'elle a été votée sur le retraite. Maintenant, ceux qui sont partis là-bas à ce conclave en se disant ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour ne travailler que jusqu'à 60 ans, ils se sont aperçus évidemment que ça n'était pas possible. Et donc ça ne m'étonne pas que ces gens-là ressortent en disant non, ça ne marche pas. Oui, parce que les chiffres sont têtus. En l'état actuel de ce conclave, on dit alors il reste encore d'autres sujets de discussion pour qu'elles se poursuivent. L'usure professionnelle et la pénibilité, le taux d'emploi des seniors, les inégalités hommes-femmes. Le menu est riche, mais le problème, c'est que tous ces sujets, Jean-René Cazeneuve, ils sont liés à l'âge de départ en retraite. Si on ne peut plus discuter du sujet central, est-ce qu'on peut encore discuter de quoi que ce soit d'autre? Moi, quand je dis qu'il faut travailler plus, on pourrait imaginer de travailler plus différemment, c'est-à-dire un peu plus dans la semaine, dans le mois, ou dans la vie. Vous voyez, c'est... Donc il y a peut-être ce type de paramètres qui peuvent être regardés. Oui. Si on veut partir à la retraite un peu plus tôt, peut-être qu'il faut travailler plus pendant notre vie. C'est pour ça que le 64 ans et que le Premier ministre a ouvert le sujet sur cet âge de 64 ans. Bon, moi je crois que ce sera très difficile de revenir là-dessus. Maintenant, vous avez dit, il y a d'autres mesures autour sur lesquelles on peut de toute évidence améliorer la loi telle qu'elle a été votée. Vous avez parlé de la pénibilité, c'est très important de tenir compte de la pénibilité, même si tous les métiers ne sont pas pénibles. Aussi, il faut avoir le courage de dire et de reconnaître ceux qui le sont vraiment de ceux qui le sont un peu moins. Bon, c'est la réforme maudite quand même en France, la réforme des retraites, Jean-René Cazeneuve. On voit François Bayrou qui est en train de, à son tour, de s'y casser les dents. On sent monter dans l'opposition, dans l'opinion même, une envie à nouveau de censurer le gouvernement, notamment autour de ce sujet. Oui, vous pouvez changer de gouvernement, vous pouvez dissoudre l'Assemblée nationale, ça ne règle pas le problème des retraites et du financement des retraites. Et la réalité des chiffres sont là. Nous vivons de plus en plus longtemps, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc nous passons plus de temps à la retraite et il n'y a pas plus d'actifs aujourd'hui. Donc le ratio entre les retraités et les actifs a tendance à augmenter. Donc on a un problème de financement des retraites, il faut avoir le courage de le regarder une fois pour toutes autrement. Si on ne le fait pas, si on rentre dans la démagogie de changer ce paramètre-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous finançons par le déficit la retraite de nos anciens. Et ça n'est pas responsable vis-à-vis des générations de jeunes vis-à-vis des gens qui, un jour ou l'autre, finiront par devoir rembourser cette dette. Alors, responsable, dites-vous, c'est intéressant que vous employiez ce mot, puisque le ministre de l'économie, Éric Lombard, lui-même l'a employé à propos de la nécessité d'investir dans la défense, cette fois-ci le réarmement de la France face à la menace russe. En l'occurrence, c'est aux investisseurs privés qu'Éric Lombard a lancé hier matin cet appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent public ne suffira pas à réarmer la France? Là, il faut faire la part des choses, si vous permettez. J'étais moi aussi à cette conférence extrêmement importante. Il faut faire la part des choses entre la défense, le financement de notre défense française, et ça c'est de l'argent public, bien évidemment, c'est budgétaire. Bon, c'est-à-dire, est-ce que nous donnons les moyens à l'armée française de se défendre avec plus d'avions, plus de bateaux? Ça c'est un sujet, mais qui n'est pas le sujet central dont on parle aujourd'hui. Le sujet central dont on parle aujourd'hui, c'est renforcer l'industrie française de la défense. Vous savez qu'on a une des industries les meilleures dans le domaine des avions, de l'électronique, navale. On est le deuxième ou le troisième exportateur d'armes au monde. Et comme on a été pendant 20 ans sur notre marché très peu consommateur d'armement, parce que ça a été un peu la variable d'ajustement, eh bien, ces entreprises-là n'ont pas pu se développer. Donc il faut recapitaliser ces entreprises. Oui. Ce tissu de 4000 PME qui travaillent dans le domaine de la défense, ces entreprises françaises, de manière à ce qu'elles puissent à la fois, évidemment, équiper les armées françaises, mais aussi les armées européennes, qui n'ont pas tous les pays européens n'ont pas d'industrie de la défense. Donc il y a ce double. On comprend bien que c'est la condition sine qua non d'avoir des avions à acheter, mais voilà, une fois qu'ils seront produits, il faudra bien les payer, ces avions, ces chars, avec de l'argent public en l'occurrence. Nous avons une loi de programmation militaire qui a été votée en 2022, donc qui prévoit une augmentation de 3 milliards chaque année, 3,5 milliards à partir de 2027. Donc ça, c'est déjà prévu. Probablement qu'avec le contexte, aujourd'hui, il va falloir encore l'augmenter de quelques milliards. Mais vous voyez, c'est pas vraiment ça le problème. Évidemment, c'est un effort supplémentaire pour les finances publiques. Le problème, c'est au détriment de quoi? De l'éducation, de la justice? Il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix, ou il faudra, comme nous préconisons, nous, depuis longtemps, pousser la consommation, la production, le développement du pays. C'est la croissance de notre PIB qui, évidemment, crée de la valeur et nous permet de financer nos politiques publiques, que ce soit l'armement ou que ce soit la transition écologique. Alors, il y a aussi l'idée de que les Français eux-mêmes puissent placer de l'argent pour investir dans la défense. On parle d'une fourchette de 500 euros à quelques milliers d'euros dans un fonds qui serait abondé, lui, à 450 millions d'euros. Est-ce qu'on n'est pas dans le symbole, Jean-René Cazeneuve? À la fois 500 euros pour un Français, c'est beaucoup, et 450 millions d'euros au total quand on parle de la défense, c'est pas grand-chose. Moi, je suis persuadé que ce sera un grand succès. Parce que vous pensez que ça va marcher? Bien sûr, je pense que les Français, dans leur grande majorité, aiment leur pays. Ils aiment leur pays passionnément. Et je crois que notre intérêt, et les Français le savent, eh bien, c'est de participer à cet effort de guerre. Voilà. Donc ce sera un produit d'épargne, un fonds sur lequel ils auront un rendement. C'est une manière pour eux de signifier leur soutien à la défense nationale et à la souveraineté de notre pays. Merci Jean-René Cazeneuve, député du Gers, Ensemble pour la République, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h10, Alexandre Lemaire. Dans quelques instants, le Club Culture Europe 1, chaque vendredi désormais, Nicolas Carreau vous propose un livre audio. Dans un instant, le livre audio de la semaine avec l'application Audible. A tout de suite sur Europe 1. Bonjour, c'est Pascal Praud, je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Bonjour Pascal. On a oublié d'éduquer et aujourd'hui on en paye les conséquences. Les Français aujourd'hui, ils n'ont plus rien à la fin du mois. Est-ce qu'on est prêt à refinancer pour une guerre qui n'est pas la nôtre? Europe 1, la radio libre. Pascal Praud et vous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous. Genibet.fr, site de paris hippique et sportif. Les meilleurs rapports sur les paris simples. Votre ticket à partir de 10 centimes et un bonus de bienvenue jusqu'à 250 euros. N'hésitez pas et profitez dès maintenant de 10 euros de bonus hippique supplémentaire avec le code RADIO10. Voir conditions sur Genibet.fr. Mise de base à partir de 10 centimes sur la gamme de paris hors paris simple, montant minimum du pari 1 euro. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. 7h. Oh. 7h02. Oh, 7h03. Bonjour, la météo. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Alexandre Lemaire. Bienvenue sur Europe 1, 6h-10, le journal permanent. Théo Grévin. L'aéroport de Londres-Heathrow fermé jusqu'à ce soir en raison d'une panne de courant. Le feu a pris dans une sous-station électrique. Des perturbations importantes du trafic aérien sont attendues durant plusieurs jours. Heathrow est le plus grand aéroport d'Europe et le deuxième le plus fréquenté au monde. Le conclave sur les retraites va poursuivre son travail. 3 syndicats de salariés et 2 organisations patronales sont encore engagés dans les concertations. Des discussions fragiles après les déclarations de François Bayrou affirmant qu'un retour à l'âge de départ à 62 ans n'est pas envisageable. Mercredi, la CGT avait annoncé son départ de la table des négociations. Et puis, ça sera sans aucun doute l'événement littéraire de l'année à venir. Gisèle Pellicot, devenue malgré elle une figure des violences faites aux femmes, va raconter son histoire dans un livre. Annonce faite par son éditeur à un quotidien britannique. Les droits de l'ouvrage ont déjà été vendus à 12 pays. Europe 1. Excellent vendredi matin à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h52, Alexandre Lemaire. Le Club Culture d'Europe 1 avec le conseil lecture d'abord de Nicolas Carreau. Bonjour. Bonjour Alexandre. Chaque vendredi, désormais Nicolas, vous nous proposez le livre audio de la semaine avec Audible, l'application qui vous donne accès à une large bibliothèque de livres audio. Ce matin, Nicolas, vous nous proposez un succès de la rentrée, le nouveau roman de Pierre Lemaître. Oui, Pierre Lemaître, c'est toujours un succès, comme disait Oncle Benz. Je plaisante, mais c'est vrai. Depuis Au revoir là-haut et son cycle de l'entre-deux de guerre, il a entamé une nouvelle série, 4 romans sur les 30 glorieuses, et malgré la quantité, il garde le souffle, la tension, un avenir radieux. C'est le 3e volet, sorti en format papier chez Calman Levy, et en livre audio, ça donne ça. Colette observa la ferme un long moment, comme si un danger la guettait qu'elle ne discernait pas. Le danger était devant, elle le savait, mais elle jeta tout de même un regard inquiet de l'autre côté, tendit l'oreille. La campagne bourdonnait de mouches, les feuilles des marronniers frémissaient par vagues. Le plus bruyant, c'était son cœur qui cognait à tout rompre. Le sang lui battait les tempes. Alors de quoi a-t-elle peur, Colette ? Du chien de Macagne, le voisin, un sale type, avec donc son sale molosse, comme écrit le maître, large comme un veau, aux dents brillantes, qui attaquait sans raison, des gens s'étaient fait mordre. On est en 1959 et tout ce qui va avec, le souvenir de la guerre, la nouvelle guerre froide, mais aussi la télévision de l'époque. François avait créé 2 ans plus tôt, avec les dirigeants du journal du soir, le premier magazine d'information à la télévision française, édition spéciale. Immense succès. Chaque mois, à l'heure dite, un Français sur 3 s'installait devant l'écran noir et blanc, sur lequel se succédaient reportages sociaux ou politiques, interviews de chefs d'État étrangers, plongé dans le monde du cinéma ou de la chanson. Et c'est ça ce qui est génial avec Pierre Lemaître, en bon disciple de Dumas. Il inscrit ses personnages fictifs dans l'histoire et on visite une époque en lisant. Il s'agit toujours de la famille Pelletier, je ne vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, mais enfin on retrouve tout le monde. En France, il y a donc Jean et François, le journaliste au journal du soir et à la télévision, mais qui va tenir un nouveau rôle dans cette guerre froide lors d'un voyage à Prague. Et puis il y a Colette qui vit chez ses grands-parents mais qui va devoir retourner sous la coupe de sa mère maltraitante. Elle se passionne pour les ruches et les abeilles, ce faisant elle se bat contre les pesticides du voisin qui tue ses abeilles. On parle de nucléaire et on suit les personnages. Il y a de l'action tout le temps, du pur romanesque et des moments, un en particulier terrible, où il faut même poser un peu le roman après pour s'en remettre. C'est ça le problème avec Pierre Lemaître et son talent, c'est que toute sa fiction a l'air vraie. Ses personnages et ses décors prennent vie. Un avenir radieux de Pierre Lemaître, disponible donc en livre audio sur l'application Audible. Merci Nicolas Carreau. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. Dans le Club Culture d'Europe 1, il est temps de retrouver Joe Hume. Bonjour Joe. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Chaque semaine, vous nous faites découvrir toutes les nouveautés musicales. Oui, et on va commencer avec quelque chose de très beau. Il est belge, d'origine égyptienne. Je le précise parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez oriental qui se dégage de sa musique et de sa voix. Il s'appelle Tamino et on l'avait découvert en 2018 avec une chanson sublime, Habibi. À 28 ans, il sort aujourd'hui son 3e album, Every Down the Mountain, et c'est tout aussi sublime. Si vous aimez Jeff Buckley, Radiohead, les chansons aériennes, un petit peu mélodramatiques, les atmosphères très cinématographiques, c'est complètement pour vous. Et c'est vrai qu'on sent les influences. Alors si on veut, Joe, quelque chose d'un peu plus remuant cette fois. Alors à ce moment-là, je vous propose de découvrir les Anglais de Courting, un groupe de garnements venu de Liverpool qui reprennent les choses du rock là où Franz Ferdinand ou The Strokes les avaient laissés, à savoir sur le dance floor. Ouais, alors là, on a un son qui rappelle effectivement le rock du début des années 2000, hein, quand le rock redevenait soudainement un genre excitant auprès du public. Vous avez raison, les Courting vont-ils rallumer cette flamme? Leur troisième album, Lust for Life, comme la chanson de Iggy Pop, tente en tout cas d'aller dans cette direction. Allez, pour terminer, le retour cette fois d'une légende de la soul. Oui, et pas n'importe laquelle. En effet, Smokey Robinson, figure emblématique des débuts de la Motown, dont il aura fait les grandes heures dès les années 50, hein, avec le groupe vocal The Miracles. Il a ensuite mené une carrière solo assez phénoménale. Et en 2025, à 85 ans, Smokey Robinson n'a rien perdu de sa voix sensuelle et de son groove. Écoutez. Clairement, ils sont peu nombreux, hein, les chanteurs soul, à pouvoir revenir à 85 ans avec ce genre de single redoutable, Be Thankful for What You've Got. C'est la reprise d'un standard des 70s, un délice de soul à l'ancienne qui convoque dès les premières mesures toute l'histoire de la musique afro-américaine et nous rappelle à quel point elle est intemporelle. Cette chanson annonce un nouvel album, figurez-vous, What the World Needs Now, qui sortira le 25 avril, son 25e album, 42 si on compte ceux avec les Miracles. C'est quand même une belle carrière. Effectivement, merci Joe Hume. Très bon début de matinée avec Alexandre Lemaire qui vous accompagne jusqu'à 7h sur Europe 1. Votre météo, Marion Gagnot, dans un court instant, dans la prochaine demi-heure, vous avez rendez-vous avec Omblin Roche. Bonjour Omblin. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Le programme de votre partition à 6h20. Je vous entraîne dans l'antre du disco à Paris. Rendez-vous au Palace et ses soirées extravagantes à la fin des années 70. Partition pailletée dans 20 minutes sur Europe 1. Voilà, rendez-vous à 6h20 pour les paillettes avec vous, Omblin. Après le journal de 6h sur Europe 1, Stéphane Bern vous dévoile le thème de son émission Au cœur de l'histoire. À 6h15, l'édito de Laurent Tessier, Marion Gagnot. Et oui, Laurent veut donner des conseils, des idées d'économie au gouvernement ce matin. La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-ECNAPS. Le temps pour ce vendredi, Marion, eh bien, il se dégrade et prudence également. Les orages menacent l'ouest, tandis que le vent continue de souffler au sud. Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, le temps va se dégrader sur les régions de l'ouest, déjà avec des averses parfois orageuses qui vont se déclencher entre l'Aquitaine et le Finistère dans un premier temps, avant de se décaler vers l'ouest et le nord jusqu'à la Normandie cet après-midi. Sur le flanc est du pays, là, le temps va rester calme. Hein. Vous aurez même quelques belles éclaircies. Ça va plus ou moins se voiler cet après-midi. Et au sud, toujours de l'instabilité. Il va neiger sur le relief des Pyrénées. On aura toujours ces précipitations autour du golfe du Lion. Des pluies qui seront copieuses sur le Languedoc et les Cévennes. Et puis ce vent d'autant, toujours aussi fort, qui inquiète Météo France, hein, puisque deux régions sont placées en vigilance orange pour vent fort. C'est le Tarn et la Haute-Garonne. Côté température, écoutez, la journée s'annonce toujours très douce. Hein. Elles sont comprises ce matin entre 4 degrés à Nancy et 14 à Bordeaux et Biarritz. Il fait déjà 11 à Paris. Et cet après-midi, vous aurez 16 à Quimper, 16 à Montpellier, 17 à Toulouse, 18 à La Rochelle, 19 à Nantes, 21 à Beauvais, jusqu'à 24 degrés à Épinal. Il fait très doux dans le nord-est. Merci Marion Gagnot. Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil à tous. Voici votre journal. Il est 6h sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Alexandre Lemaire. Dans l'actualité, l'Union européenne derrière l'Ukraine pour l'armée jusqu'au bout. Voilà le souhait affiché par le président Emmanuel Macron à Bruxelles. Rendez-vous est pris pour un nouveau sommet avec Volodymyr Zelensky. Ce sera cette fois jeudi prochain à Paris. Emmanuel Macron qui réclame la libération de Boualem Sansal, 10 ans de prison requis à son encontre en Algérie. Pour cet écrivain franco-algérien, le chef de l'État dit avoir confiance dans la clairvoyance du président algérien. Et puis le football, nos Bleus ont déçu hier soir en Croatie. La France battue 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Match retour dimanche au Stade de France. Le journal de 6h sur Europe 1. Véronique Verdun, bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'Ukraine, un sommet chaque semaine. Réunis hier à Bruxelles, les dirigeants européens se sont déjà donné rendez-vous. Ce sera jeudi prochain à Paris, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un sommet de la coalition des volontaires. C'est ainsi que le nomme le président Emmanuel Macron, Arthur Delaborde. Ses alliés sont derrière l'Ukraine pour l'armée jusqu'au bout, c'est ce que veut démontrer Emmanuel Macron avec un nouveau sommet. Jeudi prochain à Paris, en présence du président Zelensky, nous finaliserons nos travaux de soutien à court terme de l'armée ukrainienne, de défense d'un modèle d'armée ukrainienne durable et soutenable pour prévenir des invasions russes, et puis des garanties de sécurité que peuvent apporter les armées européennes. Pas d'accord à attendre en revanche sur l'envoi de troupes au sol. La perspective d'un cessez-le-feu étant encore trop lointaine, explique le président français. Pour l'heure, la priorité est de se concentrer sur les besoins militaires à court terme. Sur cette question de l'aide à Kiev, Emmanuel Macron ne cache pas sa satisfaction après le virage que vient d'amorcer Donald Trump en affichant sa volonté d'aider l'Ukraine à obtenir plus de systèmes de défense anti-aérien. Il y a à peine 15 jours, les Américains cessaient leur soutien de très court terme. Et donc la situation était très critique. Tout ça a complètement changé. Il y a une stabilisation du côté américain. Une stabilisation américaine qui intervient au moment où Vladimir Poutine exige la fin de l'aide occidentale et en fait une condition préalable à tout accord de paix. Et le projet d'un cessez-le-feu en Ukraine, les pourparlers conduits par les États-Unis vont se poursuivre lundi en Arabie Saoudite avec la Russie et l'Ukraine. En Algérie, le lourd réquisitoire à l'encontre de Boualem Sansal, 10 ans de prison ferme, requis à l'encontre de cet écrivain franco-algérien incarcéré depuis le mois de novembre. Accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, tout cela n'est pas sérieux, comme vient de le souligner le président Emmanuel Macron. En janvier dernier, le chef de l'État avait un discours plus offensif, affirmant que l'Algérie se déshonorait en ne libérant pas Boualem Sansal. Hier à Bruxelles, le chef de l'État en a appelé à la clairvoyance du président algérien. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc s'il souhaite quitter l'Algérie, la quitter. Évidemment, ce qui s'est passé est très grave. D'abord, on attend le jugement qui, j'espère, interviendra rapidement. Mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Sans ce sens que nous nous battons. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez, avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer en temps voulu. Plusieurs messages ont été échangés et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Le président Emmanuel Macron au micro d'Arthur Delaborde. Le tribunal algérien rendra sa décision jeudi prochain. C'était l'une des mesures phares du projet de loi de lutte contre les narcotrafiquants défendu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La levée de la confidentialité des messageries cryptées. Cette mesure avait été retoquée en commission des lois. Cette nuit, les députés sont allés dans le même sens. Cette mesure ne verra donc pas le jour. Un vote à voix haute puisqu'il y a eu une panne du système informatique à l'Assemblée nationale. Il est 6h04, vous écoutez Europe 1, bonjour. Malgré trois claquements de portes successifs, le conclave sur les retraites n'a pas encore dit son dernier mot. Et les négociations continuent. La CGT, FO, l'UDP ont claqué la porte. En effet, les partenaires sociaux restants ont décidé hier de poursuivre leurs négociations, Barthélémy Philippe. Oui, la CFTC va revoir sa position dans un mois, mais tous les partenaires sociaux veulent à ce stade poursuivre les négociations. Et la proposition de Marie-Lise Léon, patronne de la CFDT, de se dégager du cadre gouvernemental pour engager un cycle de réunions autonomes séduit déjà, à l'image de Christelle Thiéfine, la négociatrice de la CFE-CGC. On s'affranchit de ce que a pu dire le gouvernement. Nous, on décide qu'est-ce qu'on veut faire autour de la table. La CPME est aussi partante. Éric Chevet, négociateur de l'organisation patronale. Les travaux sont pollués par le débat politique. Récupérons le pilotage dès lors qu'on se sera accordé sur les objectifs. De leur côté, le MEDEF et la CFTC semblent plus réservés sur ce nouveau cadre. Il s'agirait d'une petite révolution qui verrait les partenaires sociaux piloter le régime général à la place de l'État, ce qu'ils font déjà avec le régime complémentaire Agirc-Arrco, qui lui est à l'équilibre financier. À plusieurs reprises, François Bayrou s'est déclaré favorable à une gestion du régime général par les partenaires sociaux, mais il faudrait une loi pour qu'un tel scénario se produise. Barthélémy Philippe pour Europe 1. Si vous devez vous rendre en Angleterre, attention, l'aéroport de Londres Heathrow est fermé toute la journée en raison d'une importante panne de courant, une panne qui est due à l'incendie d'une sous-station électrique. Les sports à 6h06 sur Europe 1 avec du foot et cette défaite hier soir de la France, battue 2-0 par la Croatie, c'était en quart de finale aller de la Ligue des Nations. C'était censé être la journée du bonheur hier, hein, je le rappelle. Eh bien non, avec de bonnes intentions, mais trop d'erreurs techniques. Selon Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, l'équipe de France est décevante malgré le retour de Kylian Mbappé. Match retour dimanche au Stade de France et les Bleus sont déjà au pied du mur, Cyril de la Morinerie. Oui, la première mi-temps fut un vrai cauchemar pour les Bleus avec deux buts encaissés. Après quelques minutes, les Français ont concédé un pénalty finalement repoussé par le gardien Mike Maignan. Emmenés par le redoutable vétéran de 39 ans Luka Modric, les Croates ont récité leur football. Après la pause, les Bleus ont réagi avec des occasions de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Didier Deschamps, au micro de TF1, regrette beaucoup la prestation de son équipe en première période. On a eu des pertes de balles, des erreurs techniques. On a donné les opportunités à l'adversaire. Évidemment, la deuxième mi-temps est bien meilleure en maîtrise, en justesse technique. La situation la meilleure, elle est pour la Croatie, bien évidemment, mais on a perdu la première manche. On va faire en sorte de gagner la deuxième chez nous. Dimanche soir, au Stade de France, les Bleus devront réussir le match parfait pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Ils en sont capables. En 2013, lors des barrages de la Coupe du Monde, l'équipe de France, battue à l'aller 2-0 en Ukraine, s'était imposée quelques jours plus tard 3-0. Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Merci Véronique Verdun. Très bonne fin de semaine à tous. Bon réveil avec Europe 1. Il est 6h07. Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous invitent à la table des bons vivants. C'est chaque samedi de 11h à 12h30, Marion. Oui, et demain, Laurent Mariotte reçoit le chef Juan Arbelez. En jouez avec lui aussi. Puisque vous pouvez deviner le bruit de cuisine pour gagner des cadeaux, pour participer, c'est très simple. Vous pouvez envoyer dès maintenant cuisine par SMS au 7 39 21. 75 centimes plus le coût du SMS. 3 SMS pour s'inscrire. Restez avec nous dans un instant, c'est Stéphane Bern qui nous rejoint pour vous présenter le thème de son émission Au cœur de l'histoire. A tout de suite sur Europe 1. Oui Michel, ouais. Pour la paroi à repeindre, là, j'aurais besoin de 250 kits de peinture, mm-hmm. 250 pinceaux, mm-hmm. Et puis oui, un escabeau de 250 marches, s'il te plaît. C'est pas un peu beaucoup pour une porte de KGB ? Il y a des nombres qu'on n'oublie pas. En ce moment, profitez du nouveau Volkswagen Transporter Business des 250 euros hors taxes par mois, sans apport et avec garantie 5 ans. Offre l'aile des 36 mois et 60 000 km pour un nouveau Transporter Van Business TDI 110 BVM6. Maintenant, c'est garantie incluse. Offre réservée aux professionnels pour toute commande avant le 31 mars 2025 inclus, si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr. IKEA. Chez IKEA, ménage de printemps rime avec offre de financement. Réorganisez votre intérieur grâce à notre offre de crédit affectée 10 fois sans frais valable jusqu'au 30 avril 2025. Pour tout achat entre 300 et 10 000 euros après accord par CA Consumer Finance Prêteur dont Sofinco est une marque. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations sur IKEA.fr. Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine? Dans les magasins U, il y a des oranges à dessert U à prix coûtant. Il y a seulement 1,98€ le filet de 2 kilos. J'ai couru pour pas rater ça. Ouh. Alors retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 20 au 22 mars dans vos magasins U, les oranges à dessert U à prix coûtant sont à seulement 1,98€ le filet de 2 kilos, soit 99 centimes d'euros le kilo. Dans vos magasins U et sur courseu.com. Catégorie 1, calibre 5-6, variété lamelate, origine Espagne. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com. Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir? Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir. Plus on se voit, moins on se voit. En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec le pack Privilège Dacia, effectuez l'entretien de votre véhicule à partir de 1 euro par jour. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2025. Conditions générales et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de journée. Il est 6h10, Alexandre Lemaire. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comme tous les matins dans Europe 1, bonjour, on découvre avec vous le récit qui nous attend cet après-midi au cœur de l'histoire sur Europe 1. Oui Alexandre, aujourd'hui, printemps oblige, je vous raconte le destin d'André Le Nôtre, le jardinier des rois qui a sublimé le parc du château de Versailles de Louis XIV, mais de nombreux autres lieux d'exception aussi. Trois choses à savoir sur le jardinier André Le Nôtre. Alors, André Le Nôtre est entré dans l'histoire comme le jardinier des rois, comme l'a été son grand-père, alors que son père, lui, était dessinateur des jardins de Sa Majesté. Mais le nom de jardinier cache bien plus qu'on ne le croit. Loin d'être un simple horticulteur, il intègre des notions d'ingénierie, de géométrie et même d'optique dans ses réalisations. En 1640, il prend en charge les jardins de Saint-Cloud pour le frère du roi, Gaston d'Orléans, et il se fait rapidement remarquer. Mais c'est à Vaux-le-Vicomte que son génie éclate au grand jour. Pour le surintendant des finances du roi, Nicolas Fouquet, Le Nôtre crée un jardin sublime en fusionnant harmonieusement perspective et anamorphose pour offrir une expérience visuelle unique. Ses techniques de terrassement et d'irrigation, notamment pour capter et canaliser les eaux, s'avèrent révolutionnaires. Deuxième chose, sa révolution, pardonnez-moi l'expression, c'est à Versailles qu'il va la faire. En 1662, Louis XIV, envieux du luxe et de la splendeur de Vaux-le-Vicomte, confie à Le Nôtre la tâche de créer un jardin encore plus grandiose, symbole de la grandeur de la monarchie. Le Nôtre surpasse toutes les attentes. Il transforme un terrain marécageux en un chef-d'œuvre avec des perspectives imposantes, des bosquets soigneusement agencés et des jeux de lumière. Versailles devient l'emblème du pouvoir absolu de Louis XIV et le jardin de Le Nôtre, l'ultime expression du jardin à la française. Mais contrairement à cette idée reçue très répandue, il n'a pas inventé les jardins à la française, il les a magnifiés. Oui. Il a créé une nouvelle façon de penser les jardins, de les apprécier et de les comprendre. Enfin, au-delà de Versailles, André Le Nôtre se voit confier des projets majeurs, comme ceux des jardins de Chantilly, où il prend la liberté de concevoir un jardin dont la perspective décalée se distingue de ses autres réalisations. Il réussit un exploit technique avec des fontaines qui fonctionnent en continu grâce à une ingénieuse diversion de rivière. Le jardin des Tuileries, qu'il transforme après la grande crue de 1758, est une autre de ses grandes réussites. Tout au long de sa carrière, Le Nôtre dirige plusieurs chantiers simultanément, ce qui lui assure une renommée mondiale dans l'art du jardinage français et lui permet de conserver son influence à la cour du roi, lui qui l'a connu tout petit. Vous ne nous dites pas encore tout, Stéphane Bern. Beaucoup de choses encore à apprendre sur André Le Nôtre, le jardinier des rois. Oui, où André Le Nôtre puise-t-il ses inspirations dans la conception et la réalisation de ses différents jardins? Connaît-on ses méthodes de travail? Quelle est la spécificité de son art? Eh bien, on en parlera avec mon invité, sa biographe Patricia Bouchenaud-Deschamps. Et ce sera au cœur de l'histoire, comme du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1 avec vous, Stéphane Bern. Merci Stéphane. Merci Alexandre et bon week-end. Bon week-end. Et vous retrouvez aussi au cœur de l'histoire ce week-end, d'un samedi et dimanche avec Virginie Giraud. Il est 6h15, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h. Alors vous avez des idées d'économie pour le gouvernement ce matin, Laurent Tessier. Les commissions et les instances consultatives. Oui. Nous vous avons parlé sur Europe 1 de la nomination de l'écologiste Dominique Voynet, anti-nucléaire, au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. C'est un concept. Dominique Voynet dans un comité nucléaire, c'est José Bové au conseil d'administration de McDonald's. Bref, ça n'a pas beaucoup de sens. Tout le monde a découvert l'existence de ce Haut Comité. Vous connaissez ma passion pour les rapports. Je suis tombé sur une annexe au projet de loi de finances 2025, sans une page de bonheur. Le titre, liste des commissions et instances consultatives ou délibératives. Un régal générique, s'il te plaît, François, notre réalisateur pour notre argent public. Merci. Le nombre des commissions et instances s'élève en France à 317. 317. Le document est accessible. Vous avez à chaque fois le nombre de membres de réunions tenues, le coût de fonctionnement. Chaque ministère dispose de plusieurs commissions. Par exemple, j'en ai compté 37 au ministère de l'économie et des finances, 44 commissions au ministère du travail, 36 à la culture, 59 commissions à la transition écologique. Et quand même. Et tout ça avec notre argent, vous imaginez. Je vous propose alors un nouveau concept. Qui veut supprimer des commissions? Prenons ce fameux Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. 40 membres, 73 000 euros de coûts de fonctionnement en 2022, en raison notamment de l'organisation d'un voyage au Japon. 8 réunions dans l'année seulement en 2023, près de 41 000 euros de frais pour entre autres la mise en jour du site internet. Et la liste est incroyable. Le Conseil de normalisation des comptes publics, 200 membres, 1,43 million d'euros de fonctionnement. La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Ça continue. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, 28 000 euros en 2022 pour une réunion à Paris. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale, 3 réunions dans l'année. Près de 30 000 euros dépensés pour des invitations de personnalités étrangères en France. Et le Comité de l'environnement polaire et ses 20 membres. Bon, alors Laurent, vous avez quand même observé qu'il y a des commissions qui ne coûtent rien ou presque. Alors là, Alexandre, c'est extraordinaire. On crée des comités qui ne coûtent rien ou presque et ne se réunissent quasiment jamais. Le comité du secret statistique, les commissions techniques spécialisées des instruments de mesure, une réunion en 2023. Attendez la suite, la commission nationale d'évaluation du financement, c'est bien long, des charges de démantèlement des installations nucléaires de base, 10 membres, zéro réunion en 2021, 2022, 2023. La commission de la rémunération équitable, 3 840 euros de coûts de fonctionnement pour zéro réunion. Vous allez me dire comment est-ce possible ? Ben, il s'agit de l'indemnité versée à la nouvelle présidente nommée par arrêté. Ça continue encore et encore. Oh là là, on a aussi la commission nationale du label Service Public Plus. Une réunion, 287 euros dans l'année pour la prise en charge de billets de train de 3 membres qui habitent en province. Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat, 41 membres, 4 260 euros à cause du déjeuner de lancement de l'année 2023. Oui, et les petits déjeuners des séances, vous imaginez. On pourrait se dire bon, qu'on pourrait faire un peu de ménage dans toutes ces commissions, ces instances, mais depuis 2023, une seule a été supprimée, la commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées dans le corps des sous-préfets. Bon, comment résumer chaque commission? Tu enlèves ce comité de mon cul sur la commode, ça ne, mais je peux pas vous dire autre chose. Tu enlèves ce comité, ça ne sert à rien. On nous demande de financer un effort de guerre, on nous demande de faire des efforts pour réduire la dette de plus de 3 000 milliards d'euros, mais même si ça ne réglera pas tous nos problèmes, on peut déjà commencer par faire des économies dans ces commissions, être exemplaire. Allez, nommez-moi ministre de la réduction de la dépense publique. Bon, en tout cas, votre liste de courses, elle est déjà copieuse. Hein, ça l'est, Laurent Tessier, effectivement. Facture, ouais, Laurent, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pascal, pourrez-vous à partir de 11h sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. Bienvenue si vous nous rejoignez à 6h17 sur Europe 1, le journal permanent Véronique Verdun. C'est le premier aéroport d'Europe avec plus de 230 000 passagers par jour. Tous les vols sont annulés aujourd'hui à l'aéroport de Londis Row. En cause, une importante panne de courant suite à un incendie cette nuit dans une station électrique. L'Ukraine, un nouveau sommet européen prévu jeudi prochain à Paris en présence de Volodymyr Zelensky. Hier, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne étaient réunis à Bruxelles. Après près d'un mois de procès, Joël Le Skouarnec avoue tout hier à la cour criminelle du Morbihan. Il a pour la première fois reconnu les viols et agressions sexuelles sur les 299 victimes. Le football, la défaite hier soir de la France, battue 2-0 par la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Match retour dimanche au Stade de France. Et un ruban rouge accroché à la veste, c'est la 31e édition du SIDAction. Ça démarre aujourd'hui jusqu'à dimanche. L'année dernière, 3,8 millions d'euros de promesses de dons avaient été enregistrés. Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est quasiment 6h20, Alexandre Lemaire. La partition d'Omblin Roche, la Philharmonie de Paris, présente en ce moment l'exposition Disco. Alors vous en profitez, Omblin, pour nous emmener ce matin à la fin des années 70 dans l'antre des nuits parisiennes, le Palace. Oui, et même si à grands traits il lui ressemble, ne dites surtout pas que le Palace est le cousin du célèbre Studio 54, le temple du disco new-yorkais. Son propriétaire, Fabrice Hemmer, balaye de la main la comparaison. Dans une interview accordée au journal Le Monde, il disait « La clientèle du 54 est composée de gens riches, aseptisés. Ici, la clientèle est variée, elle comprend des hommes et des femmes d'origine sociale différente. » Allez, on rentre l'adresse dans le GPS, bah, qui n'existait pas encore à l'époque. Hein. 8 rue du Faubourg Montmartre à Paris, où le Palace n'a pas toujours été une boîte de nuit. Hein. Non, effectivement, entre 1912 et 1978, il a été un cinéma puis un music hall. Avant d'être racheté par Fabrice Hemmer, roi de la nuit parisienne, l'endroit est dans un piteux état. Son ambition, bâtir la plus belle discothèque du monde. Ça va lui valoir quelques sueurs froides jusqu'au jour J. C'est le magazine Vanity Fair qui le raconte. La veille de l'inauguration, un ouvrier s'est gravement blessé, ce qui retarde la délivrance de l'autorisation d'ouverture par la commission de sécurité. Fabrice Hemmer écrit à la craie sur le sol « Régine » et piétine le nom de sa rivale, un geste superstitieux et qui lui porte chance. En ce 1er mars 1978, à 23h, le Palace peut ouvrir. Laissez-moi danser. Le palace est un lieu qui se veut alors populaire, sauf qu'au fil des nuits, eh bien on va y croiser de plus en plus de célébrités. Andy Warhol, Yves Saint Laurent, Mick Jagger, Prince qui assure au palace son premier concert en France en juin 1981. C'est l'endroit où il faut être, l'endroit où il faut se montrer. Des centaines de jet-setters se pressent chaque soir devant l'entrée de la discothèque où tout n'est qu'insouciance. Danse, ivresse de champagne et de musique disco. Un lieu improbable où se croisent punk et nantis. Pour le soir de la première, ils sont 2000 à avoir reçu une invitation sur laquelle il est précisé smoking, robe longue ou comme il conviendra. Dans un intérieur rouge et or, les serveurs défilent dans un uniforme dessiné par le créateur Thierry Mugler. Alors en toute logique, Omblin, une certaine Grace Jones fait aussi partie des invités de cette soirée d'ouverture. Mais oui, bien sûr, Grace Jones, déesse de la nuit, qui a fait du Studio 54 à New York son QG. Elle est donc au Palace, à Paris. Une sacrée fête, dit-elle. L'endroit est bondé. Elle a même par moments des crises de claustrophobie. Dans son juste corps, qu'elle vient de déchirer en montant sur une échelle au-dessus de la scène, elle interprète malgré tout la chanson que tous veulent entendre. Grace Jones et la vie en rose sur Europe 1. Quelque chose, il est entre dans mon cœur, n'est pas de bonheur dont je connais le corps. La vie en rose, version scintillante de Grace Jones dans la partition sur Europe 1 qu'elle interprète lors de la soirée d'ouverture du Palace le 1er mars 1978. Après avoir été le lieu incontournable de la capitale, le Palace va petit à petit être déserté par les oiseaux de nuit. La fête ne va durer que 5 ans jusqu'au décès soudain de son créateur Fabrice Aymer. L'école Pelle à Tarte, les paillettes et la boule à facettes sont à l'honneur dans l'exposition Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris jusqu'au 17 août. Merci Omblin Roche. Voilà, après cet hommage aux oiseaux de nuit, bienvenue à tous les lève-tôt sur Europe 1. Il est 6h23. Dans la prochaine demi-heure, Marion, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Ce sera à 7h10. Gastronomie et la stratégie de Bruno Retailleau au menu de la revue de presse ce matin. À 7h15, la revue de presse internationale. Nous serons avec le correspondant d'Europe 1 à Washington. Alors que Donald Trump vient de déclassifier des milliers de documents sur l'assassinat du président Kennedy. Dans un instant, votre météo perturbée, Marion Gagneau, à tout de suite sur Europe 1. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. 7h-9h, Europe 1 matin. Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. Donald Trump manifeste l'intention de défendre les intérêts de sa nation contre nous, Français, contre nous, Européens. Il y a un pivot qui est en train de se faire. Les Européens n'ont pas d'autre choix que de se prendre en main sur les sujets de sécurité et de défense. Le PIB de l'Union Européenne était équivalent à celui des États-Unis. Aujourd'hui, il y a 80% d'écart. La révolution de Trump a vraiment commencé le D-Day. Europe 1, la radio libre. Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1. Ce vendredi, jackpot Euromillion de près de 190 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Ah ça ira, ça ira, ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas. Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon, canon, canon, canon sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 mars dans le réseau d'agents participants. Pensez à covoiturer. 7 heures. Oh. 7 heures 2. Oh. 7 heures 3. Bonjour, la météo. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Il y a des embouteillages partout, on va arriver en retard. Ah là là là là, on va devoir passer plus de temps dans l'ID4. Oh bah mince alors. Léonard, c'est pas le moment de rire. Merci. Vous êtes tellement bien au volant d'une Volkswagen ID4. En ce moment, la Volkswagen ID4 100% électrique est à partir de 319 € par mois. Pour l'achat d'un ID4 Pro Life Max, elle aide les 37 mois premier loyer de 5 000 € après déduction du bonus écologique de 4 000 €, puis 36 loyers de 319 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 mars, conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Préparez le retour des beaux jours en camping-car avec Libertium. Du 8 au 22 mars, ce sont les Libertium Days. Venez découvrir notre offre entretien 5 ans en exclusivité et toutes les nouveautés du printemps dans nos 64 concessions camping-car et van partout en France. Libertium, la liberté commence ici. Libertium Days, les jours Libertium. Offre disponible sur une sélection de véhicules en concession ou sur Libertium.fr. Ford Pro. Allez patron, j'y vais. Attendez. Oui. Vous êtes branché, Bénodier. Ah bon, vous trouvez? Mais non. C'est vrai que je travaille mon style. Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Bénodier. D'accord, donc c'est nouveau. Bah, oui. En mars, pendant les jours plus productifs Ford Pro, essayez le nouveau e-Transit Custom 100% électrique pour booster votre productivité. Également disponible en diesel et hybride rechargeable. Du coup, patron, je suis branché ou pas? Démarrez, Bénodier. Démarrez. Ford Pro. La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS. À 6h27 sur Europe 1, le temps pour ce vendredi, Marion Gagneau. Des averses orageuses à l'ouest et attention à la tempête au sud avec de nouvelles vigilances. C'est compliqué hein, là pour le sud de la France, hein, vers le golfe du Lion. C'est vrai qu'on a toujours déjà ces pluies fréquentes, surtout sur les Cévennes et surtout ce vent, le vent marin et le vent d'autan qui va souffler encore une fois très fort aujourd'hui avec des rafales jusqu'à 110-120 km/h sur le Lauragais et la plaine toulousaine. Donc actuellement, on a 5 départements placés en vigilance orange pour vent violent par Météo France. La Haute-Garonne, le Tarn, le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Et deux départements sont eux placés en vigilance orange pour vagues submersion. C'est l'Hérault, également l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc soyez très prudents dans le sud de la France. Prudence aussi sur l'ouest du pays, parce que là on a une autre perturbation, une perturbation pluvio-orageuse qui arrive ce matin par l'océan. Donc on va retrouver des averses localement orageuses entre le sud-ouest, les Charentes et la Bretagne. Ces averses, elles vont gagner du terrain au fil de la journée et concerner cet après-midi la Normandie et le centre Val-de-Loire. En fait, seules les régions du quart nord-est vont conserver un temps calme et sec, mais ailleurs, journée très agitée, par contre avec des températures toujours très douces. Hein. Ce matin, elles sont comprises entre 4 degrés à Nancy et 15 à Biarritz, il fait 11 à Paris. Et cet après-midi, vous aurez 14 degrés à Aurillac, 15 à Perpignan, 16 à Quimper, 17 au Mans, 17 à Laval, 18 à Poitiers, 19 degrés à Rennes, 19 à Belfort, 20 à Pau, 20 à Colmar, 23 à Épinal, jusqu'à 24 degrés à Grenoble. Oui, température effectivement très printanière. Merci Marion Gagneau, restez avec nous dans un instant, le journal de 6h30 sur Europe 1. Proche de vous et au service de tous, La Poste s'engage pour le bien vieillir. Vincent Deloche, président de la filiale La Poste Service à la Personne. La Poste propose l'ensemble des solutions du quotidien pour que les seniors fragiles et leurs aidants puissent bien vivre plus longtemps en toute sécurité au sein de leur domicile. On va proposer par exemple des solutions de livraison de repas, de ménage, des solutions de téléassistance pour détecter automatiquement les chutes, des solutions de connexion pour rester connecté avec ses proches, toutes les solutions qui sont finalement les fondamentaux pour que la personne puisse se sentir bien chez elle, là où elle a tous ses repères. Pour connaître les services de La Poste qui facilitent le quotidien des seniors et de leurs aidants, rendez-vous sur laposte.fr, auprès de votre facteur ou en bureau de poste. Europe 1 bonjour. 5h, 7h. Alexandre Lemaire. Europe 1, bienvenue à tous. 6h30 dans l'actualité ce matin. Le scandale de la fraude à la Sécu. 628 millions d'euros détectés par les fins limiers de l'assurance maladie. Les abus sont partout, mais les professionnels de santé restent les plus mauvais élèves. Les Français invités à financer l'effort de réarmement du pays. La Banque publique d'investissement lance un placement pour les particuliers avec un minimum de 500 euros. La somme sera bloquée au moins 5 ans. Les explications du ministre de l'Économie dans ce journal. Un sommet pour l'Ukraine, ce sera à Paris jeudi prochain avec Volodymyr Zelensky, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron après le Conseil extraordinaire de l'Union européenne hier. Les Bleus condamnés à l'exploit après leur défaite 2-0 hier soir face à la Croatie, c'était en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Match retour dimanche au Stade de France. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On est passé d'une fraude artisanale à une fraude beaucoup plus professionnelle. Constat alarmant dressé par l'un des dirigeants de la Caisse nationale d'assurance maladie. Un seul chiffre, 628 millions d'euros, montant de l'escroquerie détectée l'an dernier et stoppée par la CNAM. Hausse vertigineuse qui constitue un record et pour cause, la Sécu a renforcé ses effectifs dédiés à la lutte contre ces pratiques. Reportage au sein de ses unités, Yasmina Katou. Ces bureaux n'ont rien à voir avec les locaux du FBI. Pourtant, dans ce simple open space, 46 enquêteurs traquent les fraudes depuis leurs ordinateurs. Sur l'écran de Carole, une ordonnance douteuse transmise par un pharmacien. Comme ça, à première vue, on ne peut pas se dire qu'elle est frauduleuse. On va rentrer dans les détails. Le diplôme, par exemple, diplôme universitaire d'esthétique du sourire, ça peut nous intriguer. Le type de molécule qui est prescrit, là, il s'agit d'un hypnotique prescrit par un chirurgien dentiste. Voilà, c'est assez curieux. Carole va donc vérifier si ce dentiste est à l'origine de cette prescription. En quelques heures, l'enquêtrice est capable de dire si l'ordonnance est fausse et si c'est le cas, alerter les 22 000 pharmacies françaises. Les détectives de la Sécurité sociale travaillent aussi sous couverture. On va essayer d'infiltrer des sites sous pseudonyme détenus par des personnes qui vendent des certificats médicaments pour essayer de les identifier. On peut démontrer qu'ils se connaissent étant donné qu'ils étaient ensemble à une soirée ou qu'ils sont partis en vacances ensemble. Notre but, c'est de montrer qu'il y a une bande organisée. Une enquête qui peut durer de longs mois, mais grâce à cette cellule, l'année dernière, 38 millions d'euros de fraude ont été évités rien que pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Réarmer la France, le gouvernement encourage maintenant les Français à placer leur propre argent dans un nouveau fonds. On pourrait l'appeler livret D. Comme défense, il s'agit en réalité d'un placement, mise minimale requise 500 euros. Attention, cette somme et les éventuels versements qui suivront sera bloqué au moins 5 ans. Et ce n'est qu'un début, il y aura d'autres placements réservés au financement de l'industrie de défense. Le ministre de l'économie, Éric Lombard. Il y aura à l'avenir des fonds spécialisés. Le premier, c'est celui qui sera lancé par BPI France, la banque publique d'investissement, pour le grand public, afin qu'il participe à l'effort de défense et notamment au financement d'usines comme celle-ci à Bergerac, c'est-à-dire quelque chose de très concret qui va permettre d'embaucher, de donner du travail à des Bergeracois. Et cette alliance, elle est très féconde et encore une fois, ça ouvre de nouvelles possibilités pour les Françaises et les Français. Le ministre de l'économie qui était à Bergerac en Dordogne aux côtés de son collègue des armées Sébastien Lecornu pour l'inauguration d'une nouvelle unité de production de poudre pour obus de 155 mm, fabrication assurée par le groupe Eurenco. Le verdict attendu aujourd'hui au procès de Medine Mouche et deux autres complices accusés d'avoir retenu et torturé trois otages français en Syrie. Réclusion criminelle à perpétuité réclamée par l'avocat général. Où est-il le fier djihadiste pressé d'entrer dans l'histoire, a-t-il lancé à l'adresse de Medine Mouche. Les avocats de la défense ont tenté de convaincre la cour d'assises spéciale de Paris. Non, le geôlier des otages français, ce n'était pas lui. Compte rendu d'audience, Jean-Baptiste Marty. Tas de notes en main, maître Villemain debout devant Medine Mouche, assis dans le box, s'emporte. Ce n'est pas un procès auquel nous avons assisté. Et il pointe du doigt l'avocat général, le ton menaçant. Vous avez voulu que tout soit filmé, des caméras aux quatre coins de la salle. Ici, en réalité, c'est un film, le parquet, le producteur. Et vous êtes les acteurs, s'égosille l'homme. Sous le regard amusé du ministère public, il dénonce un procès médiatique joué d'avance où son client, Medine Mouche, est condamné avant même la fin. Rouge de colère, maître Villemain se tourne ensuite vers les anciens otages. 10 ans d'instruction et 10 ans de confusion, les surnoms, la voix, le physique. On nous dit que le geôlier français avait les yeux bleus. Et il se tourne vers Medine Mouche en le pointant du doigt. A-t-il les yeux bleus? Non, il a les yeux noirs, s'exclame le conseil qui poursuit. Vous avez concentré le tir sur une cible et une seule, Nemouche. Vous voulez juste trouver un coupable, martèle l'avocat, sous le regard médusé de l'ex-otage Didier François. Jean-Baptiste Marty du service police-justice. Coup de théâtre au procès de Joël Lescouarnec. Pour la première fois, l'ancien chirurgien reconnaît sa culpabilité pour l'intégralité des 299 victimes. Ses aveux constituent un tournant, selon son avocat. Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h35. Un nouveau sommet pour l'Ukraine, il y aura lieu cette fois à Paris, jeudi prochain avec Volodymyr Zelensky, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Et cette coalition des volontaires, comme l'appelle le chef de l'État, doit renouveler le soutien plein et entier à Kiev, déclaration à la sortie du Conseil européen extraordinaire sur l'Ukraine hier à Bruxelles, semaine qui s'annonce très importante sur le plan diplomatique. À cette échéance parisienne jeudi, il faut ajouter le début des pourparlers de trêve lundi en Arabie Saoudite avec les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Pendant ce temps à Moscou, et c'est une information européenne, Christophe, la Russie manque cruellement de policiers, problème très important pour un régime dont l'existence et la survie dépendent précisément de son appareil policier. Et c'est un déplacement de Vladimir Poutine en personne au ministère russe de l'Intérieur qui a alerté les chancelleries occidentales, visite qualifiée d'inhabituelle, William Molinier. Oui, cela s'est passé le 5 mars dernier. Selon les informations d'Europe 1, Vladimir Poutine s'est déplacé au sein du MVD, l'équivalent en Russie de la place Beauvau. Alors, officiellement, le ministre de l'Intérieur russe a présenté à son président le bilan d'activité des forces de sécurité. Mais en fait, cette visite de Vladimir Poutine est surtout liée, selon une source diplomatique française, au manque de plus en plus critique de personnel de police. Le nombre total de postes vacants a augmenté de plus de 33 000 rien que l'année dernière pour atteindre 145 000 postes non pourvus. Conséquence directe, en 5 ans, le nombre de patrouilles quotidiennes de la police a baissé d'un quart. Outre les démissions en série en raison de salaires trop faibles, le ministère de l'Intérieur russe peine à renouveler les départs en retraite car la jeunesse est happée par l'effort de guerre et l'élargissement régulier des campagnes de conscription militaire. Ce sujet préoccupe beaucoup le Kremlin, soucieux de préserver un modèle de société tenu par un pouvoir policier fort qui repose sur une surveillance quotidienne et resserrer des citoyens russes. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. À Londres, le grand aéroport d'Heathrow sera fermé toute la journée après un incendie. Le feu a pris cette nuit dans une station électrique et provoqué une panne de courant. Le trafic est interrompu pour raison de sécurité. Aucune information sur les causes du sinistre. L'aéroport de Londres-Heathrow est effectivement le plus grand d'Europe. Emmanuel Macron réclame la remise en liberté de Boualem Sansal. 10 ans de prison ont été requis contre l'écrivain franco-algérien actuellement incarcéré en Algérie. Verdict attendu jeudi prochain. Son avocat dénonce un procès fantôme. La sécheresse et les incendies, les inondations et les vagues de chaleur, Météo France a calculé ce que sera le climat en France dans 50 ans. Et rapport assez alarmant. À quoi ressemblera la météo dans le pays en 2100 lorsque la température sera supérieure de 4 degrés aux températures que nous connaissons aujourd'hui? Les scénarios anticipés ne font pas partie des pires hypothèses, Louise Salé. Aucune région ne sera épargnée, chacune aura son lot de phénomènes extrêmes. Au bord de la Méditerranée, les canicules dureront 2 mois, les nuits seront difficiles à vivre. Jean-Michel Soubérou, climatologue à Météo France. Le nombre de nuits chaudes, ces nuits donc, qui sont pénibles pour la récupération, notamment pour les personnes fragiles, pourra atteindre localement jusqu'à 120 nuits chaudes. Ça va devenir la norme des étés de ces régions-là. Dans le sud-ouest, un été suffocant comme celui de 2022 où des incendies ont ravagé les Landes sera considéré comme frais après 2050. Mais les fortes chaleurs ne concerneront pas uniquement le sud. Le seuil des 50 degrés pourra être franchi n'importe où dans le pays. L'hiver, la neige s'arrêtera de tomber sur les massifs au bout de 2 mois. Et dans le nord et l'est, le volume des précipitations sera 20% plus élevé qu'aujourd'hui. Et ces 20% de plus seront donc des volumes d'eau qui pourront ruisseler et contribuer donc à des phénomènes d'inondation. Et ça veut dire aussi que les mesures d'adaptation qui seront prises sur ces territoires permettent d'absorber ces quantités d'eau supplémentaires qui pourront s'abattre. Météo France recommande donc d'adapter toutes les nouvelles infrastructures à ce climat que la France n'a encore jamais connu. Un reportage Louise Salé. Merci Christophe Lamar. Bon début de journée et bonne fin de semaine avec Europe 1. Il est 6h38. Dans un instant, Dimitri Pavlenko vient vous donner le programme d'Europe 1 Matin. A tout de suite. 5h-7h. Europe 1, bonjour. Ça ira. Chez Citroën, nous on ira. Ça ira. Nous, ce qu'on veut, c'est des prix bas. Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France. Ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 mars dans le réseau d'agents participants. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Bonjour, bienvenue chez Écoutez-Voir. Bonjour, stylé ces lunettes. Vous les avez en rouge? Oui, mais pas que. En bleu aussi? Oui, mais pas que. Comment ça? Vous allez faire des économies aussi. En ce moment, chez Écoutez Voir, vous avez jusqu'à 60 euros offerts sur vos prochaines lunettes. Et surtout, votre achat contribue à l'économie sociale et solidaire. Oh, vraiment stylé, quoi. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Point de vente soumis au code de la mutualité. Valable jusqu'au 30 avril 2025. Conditions sur écoutezvoir.fr. Oui, Michel, ouais. Pour la paroi à repeindre, là, j'aurais besoin de 250 kits de peinture, 250 pinceaux, et puis oui, un escabeau de 250 marches, s'il te plaît. C'est pas un peu beaucoup pour une porte de KGB? Il y a des nombres qu'on n'oublie pas. En ce moment, profitez du nouveau Volkswagen Transporter Business, des 250 euros hors taxes par mois, sans apport et avec garantie 5 ans. Offre LL des 36 mois et 60 000 km pour un nouveau Transporter Van Business TDI 110 BVM6. Maintenant, c'est garantie incluse. Offre réservée aux professionnels pour toute commande avant le 31 mars 2025 inclus, si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire est de retour dans un instant pour Europe 1, bonjour. Et à 7h10, ne manquez pas la revue de presse d'Olivier Delagarde en gastronomie et la stratégie de Bruno Retailleau à la une de vos journaux ce matin. A tout de suite sur Europe 1. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Pour fêter les 25 jours waouh, Auchan fait le choix de vous faire faire des grandes économies pour dorloter vos tout-petits. Jusqu'au 30 mars, avec votre carte Waouh, cagnotez 50% sur l'ensemble de la gamme Pampers. 50%? Oh, effet Waouh garanti sur mes économies. Auchan, le choix, le bon. Des 15 euros d'achat et dans la limite de 60 euros d'achat, valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Conditions détaillées sur Auchan.fr. Cuir Center. Maintenant, vous savez que Cuir Center fait des canapés en tissu. Alors parlons des jours irrésistibles. C'est le moment de craquer pour le canapé Bali double profondeur à 1690 euros au lieu de 2210. Plus de 500 euros d'économie. Des prix irrésistibles sur une sélection de canapés, c'est jusqu'au 24 mars chez Cuir Center. Maintenant, vous savez tout. Détails sur cuircenter.com. Europe 1. Il est 7h20, bienvenue sur Europe 1. Très bonne fin de semaine à tous, chers auditeurs, et bonjour Dimitri Pavlenko. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Europe 1 matin, dans un quart d'heure, le programme. On va parler de Boualem Sansal, bien sûr. On parlera aussi de la nomination de Dominique Voynet au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Alors c'est son heure de gloire à ce comité qui est tellement transparent qu'avant Dominique Voynet, personne n'en avait entendu parler, alors qu'il existe quand même depuis presque 20 ans. La lecture de ses rapports nous apprend que le comité s'occupe en fait surtout de son propre fonctionnement. Alors il coûte pas très très cher. On a un pic budgétaire à 150 000 euros pour lui en 2018. C'est retombé aujourd'hui autour de 40 000 euros par an. Mais c'est pas anodin que le pic budgétaire du fameux comité ait lieu l'année où on a décidé de fermer Fessenheim. Et ce qui sera fait deux ans plus tard. Ce haut comité, aussi modeste soit-il, en fait a participé à la diffusion de la propagande anti-nucléaire dans tout l'appareil d'État. On paye aujourd'hui les dégâts de ces idées vertes qu'incarne très bien Dominique Voynet et qu'on a retrouvé dans les têtes et les bouches de toute une génération de dirigeants, de droite comme de gauche, qui sont arrivés aux manettes, convaincus qu'il fallait sortir du nucléaire, de François Hollande jusqu'à Emmanuel Macron. Et on n'en a pas fini. On a parlé en début de semaine de la présentation de la PPE3, vous savez, la politique pluriannuelle de l'énergie, qui en réalité met au cœur de la stratégie bas carbone française les éoliennes et les panneaux solaires, avec le nucléaire finalement en énergie de second rang, conçu un peu comme un filet de sécurité du système. Et l'objectif est toujours le même, c'est réduire notre consommation électrique, énergétique pardon, globale de 30% d'ici 2050. On consommerait donc 30% d'énergie en moins aujourd'hui, dans 25 ans qu'aujourd'hui. C'est-à-dire en fait un programme de décroissance, et ça on n'en est pas sorti. On va en parler ce matin sur Europe 1. A tout à l'heure, à partir de 7h, Dimitri Pavlenko. Il est 6h43, vous écoutez Europe 1, bonjour avec Alexandre Lemaire. Que lit-on dans les journaux ce vendredi matin? La revue de presse d'Olivier Delagarde arrive dans un peu plus de 2 minutes. D'abord les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Rémi, qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine? L'assassinat de Kennedy continue de faire couler beaucoup d'encre près de 62 ans plus tard. L'administration Trump vient de déclassifier des dizaines de milliers de documents. Le président américain souhaite, je cite, « tout révéler aux Américains qui attendent la vérité depuis des dizaines d'années ». Le New York Times a épluché les documents et ne relève rien de vraiment nouveau. Certaines pages contiennent des informations sensibles comme des détails sur sur des agents et des informateurs de la CIA, et même les numéros de sécurité sociale d'employés du Congrès américain, dont certains sont encore en vie. Mais cette couverture médiatique ne plaît pas à tout le monde. CNN, qui était en édition spéciale pour l'occasion, était vivement critiqué par le petit-fils de JFK. « Vous valez mieux que ça, c'est vraiment stupide. Pourquoi vous couvrez ça ?» a-t-il lancé à la chaîne américaine dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Jack Schlossberg s'en est également pris sur X à l'administration Trump. Selon lui, elle n'aurait pas prévenu la famille Kennedy avant la déclassification. Nous sommes maintenant au Kenya avec la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. De quoi parlent les journaux chez vous ? D'un cartel de drogue mexicain au Kenya. C'est une affaire digne de la série Breaking Bad, titre la chaîne TV47, qui rappelle les faits. Un laboratoire de production de méthamphétamine, une drogue de synthèse mortelle, a été démantelé au Kenya. Ce laboratoire appartenait à un des plus dangereux cartels de drogue mexicains, d'après les États-Unis, qui ont rendu public l'affaire. Un cas qui souligne l'importance grandissante du Kenya comme plaque tournante pour le trafic de drogue, insiste la chaîne Citizen TV, notamment pour des exportations vers l'Europe. Les États-Unis s'inquiètent justement d'une hausse de la production de drogue au Kenya, rapporte le quotidien The Nation. Washington dénonce un manque de volonté des autorités pour y faire face, notamment des problèmes de corruption. La direction des affaires criminelles kenyanes a répondu à ces accusations, peut-on lire dans le journal The Star, affirmant que le laboratoire avait été démantelé avant de pouvoir commencer ses opérations et que 6 personnes avaient été arrêtées. Nous partons enfin en Argentine. Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1, dans la presse argentine ce matin. Les supporters de foot aux côtés des retraités et des fans d'équipes pourtant rivales se mobilisent en soutien de retraités manifestant chaque semaine pour de meilleures pensions et accès aux médicaments, relève CNN Argentina. Tout a commencé quand un retraité portant un maillot d'un club de Buenos Aires, Chacarita, a été blessé par la police lors d'une manifestation. Les supporters de ce club ont décidé d'assurer la sécurité des rassemblements, retrace El País. Et le mouvement s'est répandu à d'autres clubs. Le gouvernement de Javier Milei dénonce une manipulation politique et des supporters décrit comme violent, remarque Infobae, et vient d'annoncer une loi anti-hooligan avec de plus fortes sanctions à leur égard, indique La Nation. Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Argentine. C'était la revue de presse internationale avec BNP Paribas, épargne retraite entreprise, expert de l'épargne salariale et de la retraite collective. Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Alexandre Lemaire. Bienvenue sur Europe 1, 7h moins le quart. Le journal permanent, Christophe Lamarre. Le scandale de la fraude à la Sécu, 628 millions d'euros détectés par les fins limiers de l'assurance maladie l'an dernier. Les abus sont partout, mais les professionnels de santé restent les plus mauvais élèves. Les Français invités à financer l'effort de réarmement, la Banque publique d'investissement lance un placement pour les particuliers, 500 euros minimum. La somme sera bloquée au moins 5 ans. Un sommet pour l'Ukraine à Paris jeudi prochain avec Volodymyr Zelensky. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron à l'issue du Conseil extraordinaire de l'Union européenne hier à Bruxelles. Et puis les Bleus condamnés à l'exploit après leur défaite 2-0 hier soir face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations de football. Match retour dimanche à Saint-Denis au Stade de France. Merci Christophe Lamarre. À suivre au menu de la revue de presse d'Olivier Delagarde, de la gastronomie tiens, et puis la stratégie de Bruno Retailleau. A tout de suite sur Europe 1. IKEA. Chez IKEA, ménage de printemps rime avec offre de financement. Réorganisez votre intérieur grâce à notre offre de crédit affectée 10 fois sans frais valable jusqu'au 30 avril 2025. Pour tout achat entre 300 et 10 000 euros après accord par CA Consumer Finance Prêteur dont Sofinco est une marque. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations sur IKEA.fr. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos concombres Origine France ont tout d'un très bon concombre. Une fois coupés, bien assaisonnés et dévorés, ils vous donneront envie de dire « Ah, les concombres, vraiment, c'est à croquer, hein !» Bon, je... Oui, vraiment, nos concombres ont tout d'un très bon concombre, mais à prix discount. 99 centimes seulement la pièce. Oui, 99 centimes, et c'est tout. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 22 mars, info sur aldi.fr. Chez Action, vous trouverez des petits prix pour un grand printemps. Des pots de fleurs pour plus de couleurs dans votre jardin. Des jeux de plein air pour s'amuser pendant des heures. Ou de la belle vaisselle pour vos repas en plein air. Tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin ou votre balcon se trouve dans un magasin ou sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire. Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir ? Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non ? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir. Plus on se voit, moins on se voit. En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec le pack Privilège Dacia, effectuez l'entretien de votre véhicule à partir de 1 euro par jour. Rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Offre réservée aux particuliers sur les véhicules Dacia jusqu'au 31 décembre 2025. Conditions générales et prise de rendez-vous sur Dacia.fr. Et si vous cédiez enfin à la tentation ? Chez Roche-Beaubois, ce sont les jours tentation. L'occasion de découvrir la créativité des nouvelles collections et de profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps, les prix Tentation, c'est jusqu'au 24 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. Les ventes flash de printemps Amazon arrivent. Alors, pour vos prochaines randonnées ou votre grand ménage de printemps, faites de super économies sur tout ce dont vous avez besoin. De la high-tech à la maison, en passant par le sport et bien plus encore. Profitez des ventes flash de printemps Amazon. À partir de mardi, des ventes flash qui vont vraiment vous enchanter. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Europe 1, il est 7h10. Et c'est la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Une question ce matin avec les journaux, la stratégie de Bruno Retailleau est-elle la bonne? Écoutez Alexandre, en tout cas elle sème le doute, c'est ce qu'indique le Parisien aujourd'hui en France. Le journal explique dans un long papier que sa grande fermeté à l'égard de l'Algérie n'est pas sans risque politique. Parce que des ennemis politiques, le ministre de l'Intérieur n'en manque pas. À gauche, d'abord, et ça c'est normal, mais à droite aussi, et ça, ça l'est peut-être un peu moins. Le RN qui le canarde depuis des semaines sur le thème du ministre de la Parole, il peut aussi compter sur son rival à la présidence des LR, Laurent Wauquiez, pour lui savonner la planche, explique le journal, mais c'est surtout au sein même du gouvernement qu'il semble le plus fragilisé. Retailleau veut bordéliser les relations avec l'Algérie, mais à quel prix sur le plan diplomatique, s'interroge ainsi par exemple un conseiller gouvernemental. Ça risque encore de nous revenir en boomerang sur le renseignement ou l'exécution des OQTF. À en croire le Parisien, les doutes ont aussi atteint l'Élysée. Au début, Macron était content de Retailleau à Beauvau, assure un proche du chef de l'État, mais il est agacé par le fait qu'il soit candidat à la présidence des LR et ça le rend dingue, ça le rend dingue qu'il ouvre sa gueule sur l'Algérie. Et oui, on parle comme ça dans les arcanes de l'Élysée. Oui. On ne peut pas lui reprocher d'être un homme de conviction, mais s'il n'obtient pas de résultats sur l'Algérie, il restera comme le ministre qui a beaucoup parlé sans rien obtenir, estime aussi un proche de François Bayrou. Donc ça veut dire tout le monde est contre Bruno Retailleau? Tout le monde. À une exception près quand même, les Français. Sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro. Question, estimez-vous que Bruno Retailleau a eu raison d'entrer dans un rapport de force avec l'Algérie? Réponse, oui, 67%, non, 15%. Bref, le locataire de la place Beauvau bénéficie d'une sorte d'union nationale derrière lui, commente Hicham Zemrani. Tous les camps politiques, à l'exception de LFI, approuvent sa stratégie. Les positions de Retailleau sont même davantage soutenues par les électeurs du RN, où il obtient 87% d'opinions favorables, que par ceux de sa famille politique, 83% d'opinions favorables seulement, si l'on peut dire, au sein des LR. Au-delà de ces chiffres, Olivier, est-ce que cette stratégie est la bonne pour obtenir la clémence des Algériens à l'égard des Algériens? Eh bien écoutez, au lendemain des réquisitions express du procureur algérien, on serait tenté de dire que non. 10 ans de prison requis contre l'écrivain, on est abasourdi. À la une de l'opinion d'ailleurs, Olivier Bacuza n'a pas de mots assez forts pour dénoncer ce simulacre de tribunal et la peine aussi farfelue que le chef d'accusation. Mais on fait peut-être la mauvaise analyse. Adam Haroudj, le correspondant du Figaro à Alger, a une autre vision des choses. Sansal a comparu devant un tribunal correctionnel et non criminel, précise-t-il, ce qui aurait beaucoup rallongé les choses. Cette accélération de la procédure laisserait penser, selon nos sources, écrit-il, que les autorités pourraient vouloir rapidement liquider le dossier. Si la volonté d'Alger est effectivement de désamorcer la bombe Sansal pour renouer le dialogue avec Paris, alors, conclut-il, un scénario optimiste n'est pas à exclure. Autre question, Olivier, peut-on encore être optimiste concernant le conclave sur les retraites? Alors écoutez, pour le coup, la réponse est beaucoup plus simple, c'est non. Côté syndicat, seule la CFDT fait encore vaguement semblant d'y croire. Côté MEDEF, on estime qu'il faut relancer les discussions, mais sur de nouvelles bases. Longue interview de Patrick Martin, son président, dans Les Échos. Il faut revoir l'ordre du sujet. Il faut revoir l'ordre des sujets en commençant par l'équilibre du système qui est à bout de souffle, déclare-t-il. Le régime d'assurance chômage n'arrive pas à se désentêter. Mais question des Échos, dans la suite des discussions, évacuez-vous la question d'un retour en arrière sur l'âge légal? Réponse diplomatique du patron du MEDEF, nous sommes très dubitatifs sur les questions évoquées. Oui, arrêtons l'hypocrisie, écrit aussi Lou Bémond de Senneville à la une de La Croix. Qui a pu croire sérieusement qu'en entrant dans la salle de ce que le gouvernement a présomptueusement appelé le conclave, ça agace beaucoup le quotidien Pas de Piste, hein. Qui a pu croire qu'il serait possible de revenir sur les 64 ans? Emballé, c'est pesé, trois patères, deux AV. Bon, on va terminer, Olivier Delagarde, par cet incontournable du calendrier. Oui, oui, incontournable du calendrier gastronomique français. J'espère que vous reconnaissez ça, Marion, quand même. Évidemment. C'est quoi ? Guide Michelin. Oui, alors presque. C'est le guide du chemin. Monsieur du chemin. L'aile ou la cuisse. J'étais Coluche. C'est magnifique. Louis de Funès. Mais oui, 1976. Alors, pourquoi je vous fais écouter ça ? Mais vous avez raison, Marion. Parce que dans 10 jours, sort le guide Michelin. Ah. Mais c'est désormais une tradition chez les éditeurs du Petit Livre Rouge, faire tomber quelques têtes avant sa parution. Et cette année, c'est celle d'une légende du poulet de Bresse qui roule dans la chapelure. Georges Blanc va perdre sa troisième étoile. Alors on pouvait penser que le monde de la cuisine allait se mobiliser, allait s'insurger. Eh bien non. Dans le Figaro, l'impitoyable et talentueux Stéphane Durand-Soufflant, l'escoffier de la critique gastronomique, trempe sa plume dans le vinaigre, balsamique probablement. Georges Blanc, le roi de la volaille à la crème, écrit-il, challenger de l'empereur lyonnais Bocuse, a longtemps régné grâce à une partition ultra classique, parfaitement interprétée, une cave prodigieuse et un entregent remarquable. Mais, notre dernière visite l'été dernier nous avait navré, écrit le chroniqueur du Figaro. Rien n'allait vraiment dans un menu à 380 euros, truffé de fausses audaces et d'accords hasardeux. Bref, la rétrogradation de l'établissement apparaît comme logique. Voilà, sans fleurs, ni couronne, ni bouquet garni. Comme quoi, le monde de la cuisine n'a rien à envier à celui de la politique. Il est décidément impitoyable. Wow. Vous avez bien filé la métaphore culinaire, Olivier. Ça donne envie, en tout cas, de revoir les loups de la cuisse. Merci, bon Olivier. Bon appétit. On vous retrouve tout à l'heure à 8h40 avec votre revue de presse. Et vous, Alexandre Lemaire, on vous retrouve dans quelques jours. Lundi, c'est Thomas Schnell qui comment sera ça, dans la présentation. Mais dans ça arrive, bonjour. Figurez-vous, mon cher Olivier. C'est ça s'appelle des vacances. Je n'ai pas entendu parler. Et à 6h56, on accueille Dimitri Pavlenko pour Europe 1 Matin. Bonjour, Dimitri Pavlenko. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Marion. Et alors, c'est Stéphane Durand-Soufflant qui signe dans le Figaro ce papier là, ouais. Sur il a la dent dure, Stéphane Durand-Soufflant. Il n'est pas facile à convaincre. Hein. Ben voilà, c'est un palais exigeant. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, Olivier Delagarde. En tout cas, voilà, on pense à Georges Blanc. Hein. Oui. Et ses poulets. Écoutez, ça va. Et deux étoiles, c'est pas mal quand même. Ouais, bonjour, Anissa Dadi. Bonjour, je vous snob depuis le début de la semaine, donc j'ai pensé à, c'est gentil. À vous dire bonjour. Allez, bon week-end à vous, Marion. Bonnes vacances, Alexandre. On vous retrouve dans 10 jours. À très bientôt. Bonjour, bienvenue chers auditeurs, le réarmement, ce n'est peut-être pas tout à fait maintenant à voir ce qui s'est passé hier à Bruxelles où clairement tout le monde, hein, tous les pays ne sont pas convaincus que le malheur ukrainien peut s'abattre ailleurs. L'Espagne, clairement, ne se sent pas vraiment concernée par ce qui pourrait arriver au flanc oriental. Alors en France, les grandes manœuvres aussi se sont lancées, notamment sur le plan financier. L'épargnant est la cible de Bercy pour payer chars et avions de combat. Est-ce qu'on pourra tout faire ? Est-ce qu'on pourra tout payer alors que, par exemple, l'assurance vie, elle est déjà massivement fléchée vers un impératif national, la dette publique ? On voit aussi se creuser un fossé entre les défenseurs d'une souveraineté européenne qui s'accommoderait encore d'acheter massivement de l'armement américain et les tenants d'une indépendance stricte en matière de défense. Est-ce qu'on pourra construire nous-mêmes toutes nos armes ? On posera la question à 8h10 à Éric Trappier. Il sait de quoi il parle. C'est le PDG de Dassault Aviation, le constructeur du Rafale. Il sera face à Romain Desarbres à 8h10. On parlera aussi ce matin de la nomination de Dominique Voynet à ce Haut Comité pour la transparence et l'information de la sécurité nucléaire. Ça suscite pas mal de remous. De même que la loi narcotrafic, avec une séance difficile à l'Assemblée nationale où les machines à voter sont tombées en panne. Bruno Retailleau a été désavoué sur une mesure sur les trois importantes qui étaient présentées dans le texte. On verra laquelle dans un instant. Et puis on est très inquiet aussi ce matin pour Boualem Sansal. L'écrivain a été jugé hier en Algérie. Il risque 10 ans de prison. La présidente de son comité de soutien, l'ancienne ministre Noëlle Lenoir, sera avec nous dans 10 minutes sur Europe 1. Voilà pour le programme. La météo. La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-ECNAPS. Anissa, Daddy, le temps est en train de changer. Oh non, pas la veille du week-end quand même. Eh si, c'est toujours comme ça. Il fait beau la semaine et puis on va avoir un week-end bien moins intéressant que cette semaine. En fait, le temps est de plus en plus changeant avec l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse par l'océan. Donc c'est vraiment sur l'ouest et sur le sud du pays que le temps sera le plus perturbé aujourd'hui. Alors attention, on a 7 départements en vigilance orange. La Haute-Garonne, le Tarn, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance vent. Ça va souffler très fort dans le sud, du côté de l'Occitanie, du Midi-Pyrénées, du Midi-Toulousain et des Bouches-du-Rhône, donc du Golfe du Lion. Et puis on a les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault qui sont en vigilance vague-submersion parce que c'est vrai qu'on a un temps très agité au bord de la Méditerranée. Alors si vous n'êtes pas sur la façade atlantique et si vous n'êtes pas dans le sud de la France, bah vous aurez un temps plutôt calme mais pas aussi ensoleillé qu'hier. Ça sera plutôt voilé. Là, ça change nettement. Au revoir le printemps. 13 à 25 degrés. Il va quand même faire 25 à Grenoble aujourd'hui. Hein. C'est très, pas très mal. Doux. Merci Anissa, Daddy. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 21 mars. Il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Un nouveau sommet sur l'Ukraine programmé jeudi prochain à Paris avec Volodymyr Zelensky. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron. Plusieurs dirigeants européens sont attendus pour bâtir une coalition des volontaires. Explication dans un instant. Le président français qui réclame également la libération de Boualem Sansal. La justice algérienne a requis 10 ans de prison ferme hier à l'encontre de l'écrivain. Le chef de l'État en appelle directement au président Tebboune. Dans ce journal également, est-ce un revers pour Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale. Hier soir, les députés ont refusé l'accès aux messageries cryptées des narcotrafiquants contre l'avis du ministre de l'Intérieur. Et puis les Bleus, condamnés à l'exploit après leur défaite 2-0 hier soir face à la Croatie. C'était du football en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Théo Grévin, bonjour Théo. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Nous allons continuer à soutenir massivement l'Ukraine. C'est le message des chefs d'État et de gouvernement réunis à Bruxelles hier. Soutien qui passera par l'organisation d'un nouveau sommet jeudi prochain à Paris. La coalition des volontaires, comme l'a présenté Emmanuel Macron, réunira plusieurs pays européens ainsi que Volodymyr Zelensky. Objectif, faire aboutir les discussions menées depuis plusieurs semaines qui concernent, Arthur Delaborde, la question des garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine. Ses alliés sont derrière l'Ukraine pour l'armée jusqu'au bout, c'est ce que veut démontrer Emmanuel Macron avec un nouveau sommet. Jeudi prochain à Paris, en présence du président Zelensky, nous finaliserons nos travaux de soutien à court terme de l'armée ukrainienne, de défense d'un modèle d'armée ukrainienne durable et soutenable pour prévenir des invasions russes, et puis des garanties de sécurité que peuvent apporter les armées européennes. Pas d'accord à attendre en revanche sur l'envoi de troupes au sol, la perspective d'un cessez-le-feu étant encore trop lointaine, explique le président français. Pour l'heure, la priorité est de se concentrer sur les besoins militaires à court terme. Sur cette question de l'aide à Kiev, Emmanuel Macron ne cache pas sa satisfaction après le virage que vient d'amorcer Donald Trump en affichant sa volonté d'aider l'Ukraine à obtenir plus de systèmes de défense anti-aérien. Il y a à peine 15 jours, les Américains cessaient leur soutien de très court terme. Et donc la situation était très critique. Tout ça a complètement changé. Il y a une stabilisation du côté américain. Une stabilisation américaine qui intervient au moment où Vladimir Poutine exige la fin de l'aide occidentale et en fait une condition préalable à tout accord de paix. Arthur Delaborde à Bruxelles pour Europe 1. Et pour financer l'effort de guerre voulu par Emmanuel Macron, le gouvernement va lancer un produit d'investissement. On appelait aux Français pour subventionner la défense et ainsi aider directement les entreprises tricolores, notamment les petites et moyennes entreprises. Aurélien Fleureau, plusieurs options vont exister pour orienter son épargne. Oui, et la principale nouveauté, c'est un fonds qui vise la collecte de 450 millions d'euros porté par BPI France. Chaque Français pourra y investir à partir de 500 euros. Nicolas Dufour, que son directeur général. Ça veut dire qu'on va leur permettre d'investir dans un fonds vendu aux Français, qu'on va appeler BPI France Défense, et ce fonds investira lui-même dans des PME de la Défense. Il s'agit là d'un placement de long terme, bloqué au moins 5 ans, mais avec la garantie que les budgets défense seront en hausse constante à l'avenir. Même constat au niveau de l'Europe, avec l'arrivée, il y a quelques jours, d'un ETF, ce type de placement qui séduit de plus en plus. spécifiques à la défense, comme l'explique Mathias Bacino, directeur des marchés européens de Trade Republic. En achetant cette ETF, vous achetez un panier d'actions de toutes les entreprises cotées du secteur de la défense en Europe. A priori, il va y avoir des centaines de milliards d'euros de commandes passées à ces entreprises. Enfin, pour ceux qui se disent qu'il y a malgré tout un risque, les produits existants comme l'assurance vie, le plan épargne retraite ou l'épargne salariale pourront être directement fléchés vers les entreprises françaises de défense. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. À Londres, l'aéroport d'Heathrow fermé pour la journée après un incendie. Le feu a pris cette nuit dans une station électrique et provoqué une panne de courant. Le trafic est interrompu pour raison de sécurité. L'aéroport de Londres-Heathrow est le plus grand d'Europe. Il doit être libéré, les mots d'Emmanuel Macron hier après la peine de 10 ans de prison requise contre Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien de 80 ans dont l'état de santé inquiète comparaissait hier devant le tribunal correctionnel d'Alger pour un procès qu'on peut qualifier d'expéditif. Le président de la République a donc réclamé hier soir sa remise en liberté. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc s'il souhaite quitter l'Algérie, la quitter. Évidemment, ce qui s'est passé est très grave. D'abord, on attend le jugement qui, j'espère, interviendra rapidement. Mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Sans ce sens que nous nous battons. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez, avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer en temps voulu. Plusieurs messages ont été échangés. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Et le verdict sera connu dans une semaine ce matin dans Le Parisien. L'académicien Jean-Christophe Ruffin en appelle aux associations des droits humains comparant ses réquisitions à une peine de mort. Et la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, Noëlle Lenoir, sera l'invitée d'Europe 1 dans 5 petites minutes. Une nuit agitée à l'Assemblée nationale où l'on débattait hier soir de la loi narcotrafic portée par Bruno Retailleau. Vous l'avez compris, nous sommes victimes d'une panne informatique qui n'est pas... Alors, face ici des débats, monsieur le ministre, une petite pièce du système qui a chauffé. Sous la tension, elle a chauffé. Donc le scrutin séance public... Séance perturbée, vous l'entendez par une rarissime panne technique. Les députés ont dû voter un par un à voix haute, mais l'issue reste la même. Ils ont voté contre l'accès aux messageries cryptées comme Signal ou WhatsApp. Le ministre de l'Intérieur souhaitait lui permettre aux services de renseignement d'accéder aux conversations des narcotrafiquants. Et puis on le pensait condamné, le conclave sur les retraites de François Bayrou, les partenaires sociaux lui accordent une dernière chance. Oui, les 3 syndicats de salariés et les 2 organisations patronales encore engagées se sont réunis hier, au lendemain de l'annonce de la CGT de quitter la table des négociations. La question d'une fin anticipé était dans toutes les têtes, mais finalement Barthélémy Philippe, il va bien se poursuivre. Oui, la CFTC va revoir sa position dans un mois, mais tous les partenaires sociaux veulent à ce stade poursuivre les négociations. Et la proposition de Marie-Lise Léon, patronne de la CFDT, de se dégager du cadre gouvernemental pour engager un cycle de réunions autonomes séduit déjà, à l'image de Christelle Thiéfine, la négociatrice de la CFE-CGC. On s'affranchit de ce que a pu dire le gouvernement. Nous, on décide qu'est-ce qu'on veut faire autour de la table. La CPME est aussi partante. Éric Chevet, négociateur de l'organisation patronale. Les travaux sont pollués par le débat politique. Récupérons le pilotage dès lors qu'on se sera accordé sur les objectifs. De leur côté, le MEDEF et la CFTC semblent plus réservés sur ce nouveau cadre. Il s'agirait d'une petite révolution qui verrait les partenaires sociaux piloter le régime général à la place de l'État, ce qu'ils font déjà avec le régime complémentaire Agirc-Arrco, qui lui est à l'équilibre financier. À plusieurs reprises, François Bayrou s'est déclaré favorable à une gestion du régime général par les partenaires sociaux. Mais il faudrait une loi pour qu'un tel scénario se produise. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis le football, défaite inquiétante de l'équipe de France hier 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Nations face à la Croatie. Malgré le retour de Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps ont été très décevants. Et Cyril de la Morinerie, les Bleus doivent maintenant réagir. Oui, la première mi-temps fut un vrai cauchemar pour les Bleus avec 2 buts encaissés. Après quelques minutes, les Français ont concédé un pénalty, finalement repoussé par le gardien Mike Maignan. Emmené par le redoutable vétéran de 39 ans, Luka Modric, les Croates ont récité leur football. Après la pause, les Bleus ont réagi avec des occasions de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Didier Deschamps, au micro de TF1, regrette beaucoup la prestation de son équipe

pour indiquer que Boualem-Sansal ne souhaitait plus d'avocat. Ah non, François Zimret, l'avocat français de Boualem-Sansal, ne savait pas qu'a priori Boualem-Sansal l'avait révoqué. Il ne savait absolument pas, personne ne sait, et personne ne sait surtout quel est son état de santé. Oui. Alors, quels sont les soins. Il est en forme, il serait présenté à l'audience les cheveux coupés, les cheveux courts. Enfin, en tout cas, je vous lis ce que j'ai lu dans les journaux. On n'a que ça, finalement, Noël Lenoir, ce matin. Alors, ce qui est incroyable, j'ai lu hier le code de procédure pénale algérien, c'est que ça déroge à tous les principes. Normalement, un huis clos, c'est quand il y a des problèmes d'ordre public. On ne voit pas en quoi juger un écrivain de 80 ans pose un problème d'ordre public, d'autant qu'il est censuré en Algérie, donc que les Algériens ne peuvent pas lire ses ouvrages en français. Donc il a été jugé à huis clos, alors qu'on a eu des verbatims de ce qu'il a dit, ou ce qu'il aurait dit en tout cas à l'audience, défendant d'avoir voulu offenser l'Algérie, que ce n'était pas du tout son intention, etc., etc. Et qu'il se serait présenté face au juge sans avocat, se défendant lui-même, Noël Lenoir. Voilà, rien ne va dans ce procès. Ses avocats sont allés le voir, comme vous le savez, il y a quelques semaines, pour lui demander qu'il change d'avocat français, ce qui prouve bien qu'il avait un avocat français. Parce que juif. Parce que juif. Et donc, il a envoyé balader, si je puis dire, ses avocats. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la déontologie de l'avocat veut que ses avocats s'expriment sur la situation. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont eux-mêmes, ses avocats, caché ce procès. Et le bâtonnier d'Alger, qui prétend dans des articles dans la presse algérienne ne rien connaître de l'affaire, justifie ce procès. Alors, est-ce vraiment l'avocat de Boualem-Sansal? C'est un avocat commis d'office qui lui a été attribué à Boualem-Sansal. Hein. Oui, mais qui commis d'office par un bâtonnier qui prend totalement parti pour le gouvernement algérien. Et donc on peut imaginer que cet avocat commis d'office n'a rien plaidé. J'ajoute que quand M. Tebboune a fait changer, il y a environ 3-4 ans, le code de procédure pénale et le code pénal algérien pour le durcir, et notamment ce fameux article 87 bis au titre duquel notre ami est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale, etc., etc., eh bien l'Union des ordres des avocats nationales à protester contre l'atteinte aux libertés publiques. Donc on peut imaginer que les avocats aussi sont muselés en Algérie. Ouais, on rappelle ce qui est reproché au fond à Boualem-Sansal, il y a tout un tas de choses. Atteinte à l'économie nationale, détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale, etc. Bon, tout ça est un petit peu nébuleux. En substance, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir dit dans la revue Frontières que l'Ouest algérien, historiquement, appartenait au Maroc. Ce sont ces déclarations-là qui valent à Boualem-Sansal tous les ennuis qu'il a aujourd'hui. Plus aussi, le règlement de compte plus général de l'Algérie vis-à-vis de la France. Hein. C'est exactement ça, vous l'avez parfaitement, Dimitri, résumé. C'est un prisonnier d'opinion dans un pays qui nous accuse quotidiennement de violer le droit international public et qui, lui, viole la liberté d'un écrivain. Il est otage. Et d'un écrivain qui devrait être une fierté nationale. Oui. Il est otage aujourd'hui, vous pensez, Boualem-Sansal. Il a ce statut-là, un petit peu comme Olivier Grondeau, qui vient d'être bien libéré d'Iran. Et comme vous le savez, le gouvernement algérien demande aujourd'hui l'extradition d'un ancien ministre qui n'a pas été accordé par la justice. La justice française, un ancien ministre algérien qui est en France. Bien sûr, et il demande d'autres extraditions. Et je peux vous dire que les opposants politiques au régime algérien en France sont terrifiés, comme sont terrifiés les Algériens qui ne sont pas en accord, puisqu'il en existe encore en Algérie. Ils ont peur qu'un échange ait lieu pour que la France récupère Boualem-Sansal. Non, mais du point de vue de leur sécurité. Du point de vue de leur sécurité. Noël Lenoir, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on lit dans le Figaro ce matin, où une source proche du dossier élabore le scénario suivant. Je vous le soumets, vous me dites ce que vous en pensez. Boualem-Sansal sera condamné. Il n'y aura pas de libération conditionnelle type bracelet électronique. En revanche, il prendrait une peine plus légère que les 10 ans qui ont été requis contre lui hier. Et il y aurait une relaxe qui interviendrait soit à la fin du Ramadan, soit le 5 juillet dans le cadre des grâces de la fête de l'indépendance et de la jeunesse algérienne, grâce qui pourrait s'accompagner d'une dépossession de la nationalité algérienne. En substance, une issue heureuse, si je puis dire, pour Boualem-Sansal, Noël Lenoir. C'est une hypothèse, et nous nous accrochons à cette hypothèse, à savoir que finalement, il est au désavantage de l'Algérie, et notamment du président Tebboune, de persister. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, l'ONU a été saisie, l'Union africaine va l'être par nous, par le comité de soutien, et il y a 100% de chances que l'Algérie soit réprimandée, même si c'est symbolique, ça n'a pas de valeur obligatoire, bien entendu, et je crois que ça, ça a été bien intériorisé par le pouvoir algérien. Mmh. Et j'indique que c'est d'ailleurs cette raison, et ça tombe bien, pour laquelle nous organisons une manifestation d'ampleur le mardi 25 mars, c'est-à-dire mardi prochain, aux portes de l'Assemblée nationale. Et hier soir, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, vient d'annoncer qu'elle en serait. Il y aura beaucoup de politique, on espère avec leur écharpe pour une fois, pas avec Mélenchon, mais de manière un peu inhabituelle. On espère avoir beaucoup, beaucoup de politique. Si. C'est pourquoi on a organisé cette manifestation aux portes de l'Assemblée. Si Jean-Luc Mélenchon veut venir à la manifestation de Noël, Le Noir, vous l'accueillerez quand même? Ah ben, nous, on ne censure personne. Oui. Mais il a l'air de dire effectivement que Boualem Sansal sert en fait à martyriser l'Algérie. C'est en substance, enfin, c'est pas les mots qu'il emploie, mais c'est l'idée générale. C'est son électorat. Oui, oui. J'ai une dernière question à vous poser, Noël Lenoir. Dans son interview au journal L'Opinion en février, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, avait répondu sur le cas de Boualem Sansal qu'il ne pouvait présager de rien. Certains avaient cru comprendre ça, si vous voulez dire que la décision finalement lui revenait, que c'est une pantalonnade judiciaire à laquelle nous avons affaire. Je pense que la décision lui revient. Je pense qu'il a... Alors, comme vous le savez, en Algérie, c'est surtout la sécurité militaire qui détient les rênes du pouvoir. Je pense qu'il a une véritable influence. Et nous espérons, puisque le président de la République, à qui nous avons demandé rendez-vous, et on espère l'avoir finalement, pour l'instant il n'y a pas de réponse, le président de la République a quand même évoqué une reprise des échanges qui avait été totalement interrompue. Et donc, nous comptons là-dessus. Le grand regret que nous avons, et ça j'en reparlerai plus tard, c'est l'Europe. Puisque citoyen français, Boualem Sansal est citoyen européen. Donc il a droit à la protection consulaire de l'Europe, et il a droit aussi à la protection tout court de l'Europe. Et l'Europe, finalement, n'a rien fait, et nous l'a fait savoir par une lettre que d'ailleurs nous comptons rendre publique prochainement. Intéressant, on a hâte de la lire. Merci Noël Lenoir d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Donc je rappelle, la manifestation mardi 25 mars, ce sera à quelle heure? Ce sera à 17h. Devant l'Assemblée nationale. Et il y aura peut-être une vedette de la chanson qui viendra rendre hommage et qui viendra appeler à la libération de Boualem. Merci Noël Lenoir d'être venu sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Merci de votre invitation. Il est 7h20 sur Europe 1. 7h-9h, Europe 1 Matin. Un événement tous les samedis sur Europe 1, c'est Laurie Choleva qui vous donne rendez-vous de 18h à 19h pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Oui, et demain, Laurie Choleva reçoit la comédienne Michèle Larocque à l'affiche avec Cadmerade du film 100 millions. Alors l'histoire, elle va vous plaire, tiens, l'histoire de ce film. C'est l'histoire d'un ouvrier qui va hériter de 100 millions, mais il ne va pas vouloir changer de vie. Il va vouloir continuer à vivre normalement, à être ouvrier avec 100 millions sur le compte. Vous imaginez bien que l'entourage ne sera pas d'accord. Le film est en salle mercredi prochain et on en parle dans Clap avec Laurie Choleva et Michèle Larocque demain de 18h à 19h sur Europe 1. Dans un instant, les enfants d'Europe 1, on vivra les heures tragiques de la tuerie, des tueries de Mohamed Merah. Et juste après le journal permanent à 7h22, Théo Grévin. L'aéroport de Londres-Izerot fermé jusqu'à ce soir en raison d'une panne de courant. Le feu a pris dans une sous-station électrique. Des perturbations importantes du trafic aérien sont attendues durant plusieurs jours. Izerot est le plus grand aéroport d'Europe et le deuxième le plus fréquenté au monde. 27 migrants ayant occupé la Gaîté Lyrique font maintenant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Annonce de la préfecture de police de Paris hier soir. Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur a lui déclaré que la mairie de Paris avait reconnu la majorité à l'ensemble des occupants. Et puis ça sera sans aucun doute l'un des événements littéraires de l'année prochaine. Gisèle Pellicot, devenue malgré elle une figure des violences faites aux femmes, va raconter son histoire dans un livre. Annonce faite par son éditeur à un quotidien britannique. Les droits de l'ouvrage ont déjà été vendus à 12 pays. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur le 22 mars 2012. Oui, ce jour-là, le djihadiste Mohamed Merah meurt après de longues heures de face-à-face avec les policiers du raid. Dans les jours qui précèdent, le terroriste a fait 7 morts. 3 enfants juifs, un père de famille également devant l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse, ainsi que 3 militaires lors d'Autriche. Oui, 32 heures de négociations avec le raid. Mohamed Merah s'est retranché dans son appartement dans un quartier pavillonnaire de Toulouse. Les hommes du raid réussissent à échanger échanger avec lui, soit à travers la porte, soit via le talkie-walkie que la police lui a fourni. Quelques heures avant l'assaut, un ancien négociateur du raid analyse la situation sur Europe 1. S'il a des réserves avec lui, il est capable de tenir longtemps, même si là maintenant, il est privé d'eau et de plusieurs moyens de confort, on va dire, particulier. On découvre que Mohamed Merah a séjourné en Afghanistan, qu'il est suivi par les services de renseignement français. Pourquoi l'a-t-on laissé filer ? Demande cet expert des questions de terrorisme, François Hesbourg, sur Europe 1. Notre immunité par rapport aux attentats ne pouvait pas être éternelle. Un jour ou l'autre, un terroriste allait passer à travers les mailles du filet et allait réussir son coup. On est en 2012 et il n'y avait pas eu d'attentat réussi en France depuis 1996. À un moment, les hommes du raid pensent que Merah va se rendre. Il affirme qu'il ne se sent pas l'âme d'un martyr. Il jette même une arme par la fenêtre. Mais le terroriste se ravise. Il se dit prêt à mourir les armes à la main. Les policiers du raid progressent lentement dans l'immeuble. L'assaut final est donné le 22 mars 2012. Le journaliste d'Europe 1 Stéphane Place raconte. Là, vraiment, ce sont des tirs en rafale et ce sont sans doute les tirs les plus nourris que l'on ait entendus depuis hier matin, 3h20, au moment où la police s'est présentée au domicile du suspect. Mohamed Merah était invisible, caché au fond de l'appartement. Une caméra le débusque dans la salle de bain, détaille le journaliste Alain Acco. C'est un endroit idéal pour ne pas être capté par les caméras thermiques. Il y a une baignoire, on peut se camoufler sous un matelas. Mohamed Merah sort finalement de chez lui en ouvrant le feu, il est abattu. Il portait un gilet pare-balles et une djellaba noire. Retrouvé à côté de lui, son arme contenait encore 2 balles. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1. Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un magnifique cadeau, une évasion de 3 nuits dans un lieu magnifique, hein, l'abbaye de Talloire, un hôtel 4 étoiles qui fait face au lac d'Annecy avec une vue à couper le souffle. J'espère que si vous remportez ce séjour, vous nous enverrez des photos. L'abbaye de Talloire, c'est une abbaye royale de 1000 ans d'histoire qui a été transformé en hôtel-restaurant. Il y a un spa de 200 mètres carrés et on s'occupe de tout. Donc vous serez également invité au restaurant gastronomique du chef Oyi Osaka qui composera rien que pour vous une balade culinaire où il exprimera les goûts et les couleurs des produits de Haute-Savoie. Vous pouvez peut-être découvrir votre futur séjour, peut-être sur abbaye-talloire.com. Voici la question du jour. Quand aura lieu l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère sud ? On parlait de l'équinoxe hier, 20 mars, pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, est-ce au mois de juillet ou bien au mois de septembre ? Allez, un petit indice, c'est le mois de la rentrée des classes. Bah là, c'est pas un indice, c'est la réponse. Non, certains ne savent pas. Hein. Alors, pour tenter votre chance, ce matin, vous envoyez évasion au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le tirage au sort aura lieu dans la journée, donc n'hésitez plus. En plus, aujourd'hui, vous avez la réponse, donc n'hésitez pas, foncez, bonne chance à tous. Et félicitations ce matin à Hélène qui écoute Europe 1 à Mérignac. Hélène, vous remportez un abonnement au JD News, votre hebdo d'actualité du mercredi. Et chaque jour, un gagnant est tiré au sort parmi les participants au jeu des enfants d'Europe 1. Et à lire cette semaine dans le JD News, ce papier consacré à la maison Pierre Cardin, retour à l'esprit futuriste. Bonne lecture. Notez qu'à 8h10, Éric Trappier sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Le PDG de Dassault Aviation, est-ce qu'il croit aux promesses d'un réarmement souverain de l'Europe ? Est-ce qu'il pourra répondre à l'augmentation des commandes de Rafale ? Il sera face à Romain Desarbres dans 3 quarts d'heure. 7h, 9h, Europe 1 matin. Tous les vendredis à 7h45 sur Europe 1, retrouvez le livre audio de la semaine déniché par Nicolas Carreau. Une nouveauté, un best-seller, un classique. Découvrez chaque semaine un livre audio issu du catalogue Audible. Et tout à l'heure, Nicolas Carreau a choisi pour vous Un avenir radieux de Pierre Lemaître. IKEA. Chez IKEA, ménage de printemps rime avec offre de financement. Réorganisez votre intérieur grâce à notre offre de crédit affectée 10 fois sans frais valable jusqu'au 30 avril 2025. Pour tout achat entre 300 et 10 000 euros après accord par CA Consumer Finance Prêteur dont Sofinco est une marque. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations sur IKEA.fr. Mercedes-Benz. Entrée remarquée de la classe A Star Edition, la nouvelle série spéciale suréquipée de Mercedes-Benz. Avec son pack AMG Line, son toit ouvrant panoramique et ses projecteurs multibeam LED, elle a tout d'une star. Jusqu'au 31 mars, profitez-en des 389 euros par mois sans apport et avec 2 entretiens offerts. Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Valable si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes tous les ans sans aucun reste à charge. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes. Que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes chaque année sans aucun reste à charge chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical, conditions en magasin, valable jusqu'au 31 décembre. Conséquence de la guerre en Ukraine, la Russie manque de policiers. On en parle dans le journal de 7h30 sur Europe 1. Et si vous cédiez enfin à la tentation ? Chez Roche-Beaubois, ce sont les jours tentation. L'occasion de découvrir la créativité des nouvelles collections et de profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps, les prix Tentation, c'est jusqu'au 24 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. Carrefour. Chez Carrefour, pour deux paquets de café moulu carte noire achetés, le troisième est offert. Soit les trois paquets pour 15,38€ seulement. Et c'est jusqu'au 30 mars chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Vendu seul 7,69€, 3 x 250 grammes, soit 10,25€ le kilo. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS. Anissa Dadi, bon, on fait le deuil du beau temps. Hein, ouais. Ça y est, le mauvais est en train de revenir. Oui, avec une perturbation pluvio-orageuse qui arrive par l'océan Atlantique. C'est vraiment sur le quart sud-ouest ce matin que le temps est le plus perturbé. Beaucoup de nuages, des averses et toujours ce vent qui souffle fort. Alors, on a 7 départements vigilance orange. La Haute-Garonne, le Tarn, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Vigilance orange, vent fort. On attend des rafales jusqu'à 120 km/h aujourd'hui. Et puis les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault sont en vigilance vague submersion parce qu'on a un temps très agité qui remonte de Méditerranée. Donc c'est très compliqué sur tout le sud aujourd'hui et sur la façade ouest du pays. On a des orages d'ailleurs ce matin sur le Finistère. Et ailleurs, eh bien c'est un temps plus calme mais pas aussi ensoleillé que ces derniers jours puisqu'on aura un ciel totalement voilé. Pas de température négative, hein, 4 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi, 13 à Rodez, 22 à Paris, il fait très doux, et 25 à Grenoble. Merci Anissa Dadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 matin, 7h-9h, Dimitri Pavlenko. Des millions d'euros dérobés en un simple clic. Les fraudes à l'assurance maladie font un bond de 35% en un an avec 628 millions détectés. Stoppés grâce au travail d'agents qui scrutent ces arnaques. Reportage Europe 1 dans la cellule d'investigation de l'assurance maladie dans un instant. L'Union européenne derrière l'Ukraine pour l'armée jusqu'au bout. C'est le souhait affiché par Emmanuel Macron hier à Bruxelles. Prochain sommet jeudi prochain à Paris en présence de Volodymyr Zelensky. Guerre qui affecte la sécurité intérieure. Russe, vous l'entendrez, on manque en Russie cruellement de policiers. Et puis 44 ans au firmament de la gastronomie française, Georges Blanc perd sa troisième étoile. C'est le coup de massue de la nouvelle édition du Guide Michelin. La réaction du chef étoilé dans ce journal. Journal de 7h30 sur Europe 1, présenté par Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une fausse ordonnance qui coûte très cher à l'assurance maladie, la flambée des fraudes à la sécurité sociale. 628 millions d'euros détectés l'année dernière, c'est 35% de plus par rapport à 2023. Trafic de médicaments, fausses prescriptions, 1600 agents scrutent chaque jour ces arnaques. Yasmine Akatou a pu intégrer cette cellule très spéciale. Reportage Europe 1. Ces bureaux n'ont rien à voir avec les locaux du FBI. Pourtant, dans ce simple open space, 46 enquêteurs traquent les fraudes depuis leurs ordinateurs. Sur l'écran de Carole, une ordonnance douteuse transmise par un pharmacien. Comme ça, à première vue, on ne peut pas se dire qu'elle est frauduleuse. On va rentrer dans les détails. Le diplôme, par exemple, diplôme universitaire d'esthétique du sourire, ça peut nous intriguer. Le type de molécule qui est prescrite, là, il s'agit d'un hypnotique prescrit par un chirurgien dentiste. Voilà, c'est assez curieux. Carole va donc vérifier si ce dentiste est à l'origine de cette prescription. En quelques heures, l'enquêtrice est capable de dire si l'ordonnance est fausse et si c'est le cas, alerter les 22 000 pharmacies françaises. Les détectives de la sécurité sociale travaillent aussi sous couverture

Georges Blanc, 82 ans, ne s'attendait vraiment pas à cela. Lui qui détenait les 3 étoiles depuis 44 ans dans son restaurant gastronomique de Vona. Je ne pensais pas quand même qu'on était menacé. J'ai rencontré ce matin le directeur qui m'a dit qu'on était bon pour les sauces, mais que les inspecteurs n'étaient pas convaincus du niveau 3 étoiles. Mais c'est un mal pour un bien en fait, parce que même si mon ego a souffert, je vais quand même essayer de rester en forme, de faire les choses avec plaisir, mais sans me mettre la pression comme j'ai connu pendant si longtemps. Sous le choc aussi, c'est personnel, à l'image du directeur de son restaurant, Alain Pichon. Déçu, triste. Il va falloir repartir. On va retravailler tout ça, se remettre au combat. En tout cas, les clients restent très admiratifs, comme Joël, un Suisse venu dîner hier soir, et Luc. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le travail qu'il a fait là, pendant des décennies. C'est un travail d'évolution exceptionnel. On aime bien faire chanceler les statues. C'est très à la mode. Au regard de la carrière et de la virtuosité de ces grands chefs, c'est pas une poignée de critiques qui vont me faire changer d'avis. L'art est difficile, la critique est facile. Georges Blanc, qui a prévu tout à l'heure un grand discours devant ses équipes, lui qui est à la tête d'une entreprise de plus de 300 salariés. Vona, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Le football, la défaite hier soir de la France, battue 2-0 par la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Match retour dimanche au Stade de France. Merci Véronique Verdun, c'était votre journal. À suivre, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce matin à Dominique Voynet. L'ancienne ministre vient d'être nommée à un haut comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire. Elle, qui est une fervente, farouche opposante à l'atome, va devenir donc aura pour mission de superviser cette même industrie nucléaire. On verra ça avec Baptiste Morin dans un instant sur Europe 1. Et puis ne manquez pas le Club Culture d'Europe 1 Matin en ce vendredi. On va faire un point sur les sorties musicales de la semaine, évidemment, avec Joe Hume. Et puis le livre audio choisi par Nicolas Caro, signé d'un grand auteur, Pierre Lemaître. A tout de suite sur Europe 1. Bonjour, c'est Pascal Praud. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Écoutez Europe 1, c'est être libre. Bonjour Pascal. On a oublié d'éduquer et aujourd'hui on en paye les conséquences. Les Français aujourd'hui, ils n'ont plus rien à la fin du mois. Est-ce qu'on est prêt à refinancer pour une guerre qui n'est pas la nôtre ? Europe 1, la radio libre. Pascal Praud et vous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, en ce moment, Lidl fait moins 50% sur le deuxième produit, sur une sélection de chocolat de Pâques Favorina. Moins 50% sur le deuxième ? Eh oui, par exemple pour le lapin de Pâques en chocolat, le deuxième est à 99 centimes. Eh ben on est mal. Lidl est vraiment le moins cher ? Et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. 1,99€ le produit seul, 14,90€ le kilo pour deux. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. IKEA. Chez IKEA, ménage de printemps rime avec offre de financement. Réorganisez votre intérieur grâce à notre offre de crédit affectée 10 fois sans frais, valable jusqu'au 30 avril 2025. Pour tout achat entre 300 et 10 000 euros après accord par CA Consumer Finance Prêteur, dont sauf un coût est une marque. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Plus d'informations sur IKEA.fr. Carrefour Market. Quand vous me dites, c'est la foire au vin chez Carrefour Market, eh bien je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur la deuxième bouteille de Côte de Provence Château-Rayanne Grande Réserve achetée, soit les deux bouteilles à 10,42 euros. Et c'est une pépite de la Revue du Vin de France notée 14 sur 20. Alors rendez-vous jusqu'au 30 mars chez Carrefour Market ou commandez sur macaf.carrefour.fr et récupérez vos bouteilles au drive ou faites-vous livrer. Carrefour Market, vendu seul 6,95 euros. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Action, vous trouverez des petits prix pour un grand printemps. Avec par exemple des dalles de terrasse en bois 4 pièces pour seulement 6,49 euros ou un pot de fleurs en plastique recyclé pour seulement 79 centimes. Quel que soit l'article que vous recherchez pour votre jardin ou votre balcon, il se trouve dans un magasin ou sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire. Vous n'êtes pas encore totalement prêt pour le 100% électrique ? Découvrez Kia Sportage Hybrid, le SUV iconique aux technologies avancées. Et jusqu'au 31 mars, profitez-en immédiatement à partir de 387 euros par mois sans apport. Kia Sportage Active Hybrid, deux roues motrices hors option, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 387 euros TTC, hors assurance et prestations facultatives. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans, conditions sur kia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Kia, du mouvement via l'inspiration. 7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h42, merci d'avoir choisi Europe 1 Matin pour ce vendredi matin avec Dimitri Pavlenko qui vous accompagne jusqu'à 9h. Et le Club Culture d'Europe 1 Matin dans quelques instants avec tout d'abord le livre audio de la semaine sélectionné par Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour, avec un auteur contemporain qui est déjà presque un classique, Pierre Lemaître. Ah, et Joe Hume pour la musique également. Eh bien écoutez, de la nouveauté ainsi que le retour d'une légende de la soul. Voilà, je vous en parle dans quelques instants. Allez, on vous retrouve dans un instant. BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise vous présente l'enquête de la rédaction. Mais d'abord, effectivement, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1, consacrée ce jour à Dominique Voynet, l'ancienne ministre de l'Environnement, aujourd'hui députée écologiste du Doubs, vient d'être nommée au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Or, Dominique Voynet est une opposante fervente à l'énergie et à l'industrie nucléaire, qu'elle va donc avoir pour mission de superviser. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Baptiste, tout au long de sa carrière, Dominique Voynet, en effet, n'a eu de cesse de combattre l'atome. Oui, quitte à trahir son propre gouvernement. Lorsqu'elle était ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin, Dominique Voynet a participé à Bruxelles à des débats sur le soutien financier européen au nucléaire. Ministre française, Dominique Voynet devait défendre le nucléaire. C'était le mandat que son Premier ministre lui avait donné. Mais elle a avoué depuis avoir sciemment fait l'inverse. Elle a plomber le nucléaire. Et ça n'était pas la première fois. Hein. Non, c'est la même Dominique Voynet qui a poussé à la fin des années 90 pour mettre fin au programme Superphénix. Le Superphénix, c'était un réacteur nucléaire durable car il produisait de l'électricité à partir des déchets radioactifs. Une technologie qui laissait rêveur car c'était la perspective d'une électricité nucléaire indépendante sans combustible, une technologie sur laquelle la France était en avance. Mais Superphénix a fait les frais de l'accord de gouvernement entre Lionel Jospin et les Verts. Et Dominique Voynet ne cachait pas son rôle devant la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté et l'indépendance énergétique en 2023. Je n'ai pas pris la décision de fermeture de Superphénix, mais je reconnais bien volontiers l'avoir inspiré, souhaité et soutenu. Alors, cet accord de gouvernement entre socialistes et verts, donc, qui sacrifia le nucléaire il y a 25 ans, ça rappelle le cas plus récent de Fessenheim. Oui, Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France. Elle assurait environ 90% de la consommation électrique alsacienne, mais elle a été fermée il y a tout juste 5 ans, victime d'un autre accord politique entre le Parti socialiste et les Verts, pour soutenir cette fois-ci la candidature de François Hollande en 2012. Accord qui prévoyait la fermeture de 24 réacteurs, et pour commencer ceux de Fessenheim. Accord de coin de table pour l'ex-ministre Arnaud Montebourg, auditionné par la commission d'enquête lui aussi en 2023. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, eh ben, vogue la galère. En 2016, 4 ans après l'annonce de la fermeture, l'autorité de sûreté du nucléaire plaçait encore la plus vieille centrale de France parmi les plus sûres du parc français. Fessenheim aura fonctionné 42 ans alors qu'elle aurait pu continuer au moins 20 ans de plus. Alors Baptiste, 5 ans plus tard, la donne a changé. Hein. Le nucléaire revient en grâce. Les antinucléaires peuvent-ils encore faire des dégâts ? En tout cas, c'est parti pour. À Fessenheim, la folie verte continue de sévir. Pour compenser la perte d'activité économique liée à la fermeture de la centrale, des terrains de la commune devaient être mis à la disposition d'entreprises avec des créations d'emplois à la clé. Et bien finalement, le projet a été considérablement réduit. Pourquoi ? Parce que des traces ADN d'un crapaud en danger d'extinction, pas le crapaud lui-même, hein, mais des traces de son ADN ont été relevées et les associations ont obtenu sa protection. François Hollande avait promis de compenser les quelques 2000 emplois supprimés par la fermeture de la centrale. Aucun n'a encore vu le jour. L'enquête de la rédaction d'Europe 1, signée donc Baptiste Morin. Merci Baptiste. On reparlera de Dominique Voynet dans 10 minutes avec Vincent Trémollet de Villers, parce qu'on a bien vu déjà dans votre enquête que le sabordage du nucléaire en France était une œuvre collective. On verra ça. 7h46. C'était l'enquête de la rédaction avec BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise, expert de l'épargne salariale et de la retraite collective. 7h-9h, Europe 1 Matin. Et place au Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Carreau. On démarre avec le livre audio de la semaine avec Audible. Et ce matin, un succès de la rentrée, le nouveau roman de Pierre Lemaitre. Et oui, Pierre Lemaitre, c'est toujours un succès, comme disait Uncle Benz. Je plaisante, mais c'est vrai. Okay. Depuis Au revoir là-haut et son cycle de l'entre-deux-guerres, il a entamé une nouvelle série. 4 romans sur les 30 glorieuses. Et malgré la quantité, il garde le souffle, l'attention, un avenir radieux. C'est le troisième volet. Il est sorti en format papier chez Calman Lévy. Et en livre audio, ça donne ça. Colette observa la ferme un long moment, comme si un danger la guettait qu'elle ne discernait pas. Le danger était devant, elle le savait, mais elle jeta tout de même un regard inquiet de l'autre côté, tendit l'oreille. La campagne bourdonnait de mouches, les feuilles des marronniers frémissaient par vagues. Le plus bruyant, c'était son cœur qui cognait à tout rompre. Le sang lui battait les tempes. Et de quoi a-t-elle peur, Colette ? Du chien de Macagne, le voisin, un sale type avec donc son sac sale molosse, comme écrit le maître, large comme un veau, aux dents brillantes, qui attaquait sans raison. Des gens s'étaient fait mordre. On est en 1959 et tout ce qui va avec, le souvenir de la guerre, la nouvelle guerre, froide, mais aussi la télévision de l'époque. François avait créé 2 ans plus tôt, avec les dirigeants du journal du soir, le premier magazine d'information à la télévision française, édition spéciale. Immense succès. Chaque mois, à l'heure dite, un Français sur trois s'installait devant l'écran noir et blanc, sur lequel se succédaient reportages sociaux ou politiques, interviews de chefs d'État étrangers, plongés dans le monde du cinéma ou de la chanson. C'est ça ce qui est génial avec Pierre Lemaître. En bon disciple de Dumas, il inscrit ses personnages fictifs dans l'histoire et on visite l'air de rien une époque en lisant. Il s'agit toujours de la famille Pelletier, je ne vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, mais enfin, on retrouve tout le monde en France. Il y a donc Jean et François, le journaliste au journal du soir et à la télévision, mais qui va tenir un nouveau rôle dans cette guerre froide lors d'un voyage à Prague. Et puis il y a Colette, donc, qui vit chez ses grands-parents, mais qui va devoir retourner sous la coupe de sa mère tyrannique. Elle se passionne pour les ruches et les abeilles. Ce faisant, elle se bat contre les pesticides du voisin dont on parlait. On parle aussi de nucléaire, on suit les personnages. Il y a de l'action tout le temps, du pur romanesque et des moments, un en particulier terrible, où il faut poser un peu même le roman après pour s'en remettre. C'est ça le problème avec Pierre Lemaître et son talent, c'est que toute sa fiction a l'air vraie. Ses personnages et ses décors prennent vie systématiquement. Voilà un avenir radieux de Pierre Lemaître à retrouver donc sur l'appli Audible. Merci Nicolas Caron. Pierre Lemaître qui lit ? C'est lui qu'on entend, non, c'est pas lui. C'est un comédien. C'est un comédien. Je devrais donner son nom d'ailleurs, désolé. La semaine prochaine. Oui, absolument, je ferai attention à ça. Allez, place à la musique. Joe Hume, oui. Qu'est-ce qu'on peut écouter cette semaine ? Eh bien, on va commencer avec quelque chose de très beau, de très doux. Il est belge, il s'appelle Tamino. On l'avait découvert, souvenez-vous, en 2018 avec une chanson sublime nommée Habibi. Il sort aujourd'hui son 3e album, Every Dawn's a Mountain. On ressent un petit peu ses origines égyptiennes dans cette musique. Si vous aimez le folk à la Jeff Buckley également, Radiohead un petit peu, ça s'entend. Des chansons aériennes, un petit peu mélodramatiques et des atmosphères très cinématographiques, c'est complètement pour vous. Et si on veut quelque chose d'un petit peu plus mûr. Alors là, je vous propose de découvrir les Anglais de Courting, un groupe de garnement venu de Liverpool. Tiens, comme les Beatles, qui reprennent les choses du rock, là où Franz Ferdinand ou The Strokes les avaient laissés, à savoir sur un dance floor. En l'an 2000. Oui, complètement, hein, quand le rock redevenait soudainement un genre excitant auprès du public, c'est vrai. Courting vont-ils rallumer la flamme ? Leur 3e album Lust for Life, comme la chanson d'Iggy Pop, tente en tout cas d'aller dans cette direction. Et puis le retour d'une légende de la soul. Ah, oui. Et pas n'importe laquelle, en effet, Smokey Robinson, figure emblématique des débuts de la Motown, dont il aura fait les grandes heures dans les années 50 avec les Miracles, avant de mener une carrière solo phénoménale. En 2025, 85 ans, Smokey Robinson n'a rien perdu de sa voix sensuelle et de son groove inné. Voilà, ils sont peu nombreux à pouvoir s'asseoir à la table de Smokey Robinson à 85 ans et de dire qu'ils ont une carrière plus redoutable que la sienne. Cette chanson annonce un nouvel album, What the World Needs Now, qui sortira le 25 avril. Son 25e album, 42e si on compte ceux avec les Miracles. Wow, 85 ans, et c'est pas mal. Pas. Merci Joey. Avec plaisir. Vous avez retrouvé le nom du comédien, Nicolas ? Philippe Saulier, comédien. Merci à tous les deux. On se retrouve lundi. Bon week-end. Ah oui, tiens, votre émission dimanche, Nicolas. Votre invité. Je reçois Esther Teilhard. Vous savez, on en a parlé lundi. La voix est libre, 18h-19h sur Europe 1. Merci Nicolas, merci Joe. Dans un instant, votre édito politique, juste après le journal permanent, Véronique Verdun. L'Ukraine, un nouveau sommet européen est prévu jeudi prochain à Paris, en présence de Volodymyr Zelensky. Hier, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne étaient réunis à Bruxelles. Après près d'un mois de procès, Joël Le Skouarnec avoue tout hier à la cour criminelle du Morbihan. Il a pour la première fois reconnu les viols et agressions sexuelles sur les 299 victimes. À la cour spéciale de Paris, verdict attendu en fin de journée dans le procès de Mehdine Mouche, le geôlier de l'État islamique déjà condamné en Belgique pour l'attentat contre le musée juif de Bruxelles en 2014. Une nouvelle affaire de soumission chimique dans les Bouches-du-Rhône. Un hypnothérapeute soupçonné d'avoir violé 17 femmes après les avoir droguées avec un puissant somnifère soupçonné aussi d'avoir filmé certaines victimes. Elle est le visage de cette parole libérée. Gisèle Pellicot va publier ses mémoires intitulées « Un hymne à la vie », sortie mondiale prévue l'année prochaine, traduit en 20 langues. Et c'est l'aéroport numéro 1 d'Europe avec plus de 230 000 passagers par jour. Londres Heathrow, tous les vols sont annulés aujourd'hui en cause d'une importante panne de courant suite à un incendie dans une station électrique. 7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. Tous. Vincent, depuis la nomination de Dominique Voynet au comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, les macronistes, la droite et le Rassemblement national ne décolèrent pas. Est-ce que vous partagez cette indignation ? Ce qui m'inquiète surtout, c'est l'inexorable grand remplacement du Figaro par le Gorafi. Dominique Voynet, la fossoyeuse du réacteur Superphénix, nommée dans un organisme de contrôle du nucléaire, ça fait penser au titre de ce film de Mel Brooks, « Le shérif est en prison ». Tout est à l'envers dans cette histoire, et avant même la question de fond, on peut s'interroger une fois encore sur l'utilité de ces comités, de ces agences, de ces hautes autorités. Au pire, elles nuisent pour justifier leur existence à coup d'intervention normative. Au mieux, elles participent activement à l'effort de dépenses nationales sans que cela ne serve à rien. C'est la version techno de Cyrano de Bergerac. C'est encore plus coûteux lorsque c'est inutile. Pour bien saisir la nature de ces machins politico-administratifs, de ces acronymes qui quadrillent l'absurdistan, il faut une image, Dimitri. Les trous d'un gruyère dans lequel se lovent ceux qui considèrent la République comme un fromage. Alors, dans le cas de Dominique Voynet, s'ajoute aussi une contradiction criante entre ses positions sur le nucléaire et la mission qui lui est confiée. Mais je le reconnais volontiers, mais je ne voudrais pas oublier tous ceux qui, depuis 30 ans, ont délaissé le nucléaire civil pour plaire aux amis de Madame Voynet. François Hollande, hein, bien entendu, qui, pour un accord électoral avec les Verts, a sacrifié une partie de nos centrales. Emmanuel Macron, dans sa campagne de 2017, était exactement sur cette ligne. Et au début de son mandat, les antinucléaires autour de lui avaient alors la part belle. Nicolas Hulot était le ministre favori. C'est le gouvernement d'Édouard Philippe qui a fermé la centrale de Fessenheim. L'arrêt de Fessenheim incarne l'écologie de responsabilité. Ce n'est pas une phrase de Dominique Voynet, mais d'Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique. Autre phrase, Dimitri, l'énergie nucléaire, c'est une énergie du passé, c'est une absurdité. Ce ne sont pas les mots non plus de Dominique Voynet, mais ceux du macroniste historique Pascal Canfin. C'était en 2017. Canfin n'est pas seulement l'un des concepteurs du Green Deal, il a aussi mené avec ses amis en Europe une guérilla normative et législative pour que l'énergie nucléaire ne soit pas considérée comme une énergie propre. De 2012 à 2022, nous avons perdu 10 ans à contempler nos énergies intermittentes et à mépriser notre énergie performante. Dominique Voynet, c'est l'écolo qui cache la forêt des bureaucrates. Le sabordage du nucléaire en France, c'est une œuvre collective. Et mieux vaut tard que jamais, Vincent, pourrait-on dire. Nous sommes sortis depuis 2022 de cette absurde politique énergétique. Dans les mots, oui. Dans les actes, c'est plus compliqué. Le discours de Belfort, il y a 3 ans, était celui de la relance, mais le premier réacteur EPR2 qui devait normalement être mis en service en 2035 le sera au plus tôt en 2038. Quant à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui définit la trajectoire pour les 10 années à venir, si elle libère la production nucléaire d'un certain nombre d'entraves qui l'a limitée, elle continue de privilégier le renouvelable avec des investissements proprement monstrueux, triplement de l'éolien, quadruplement du photovoltaïque. Emmanuel Ducrot, la semaine dernière ici même, nous rappelait que cette PPE, ce plan à 300 milliards d'euros, ne serait pas débattu au Parlement, puisque le gouvernement va le faire passer au mois d'avril par décret. Cela scandalise à juste titre une centaine de sénateurs et cela réveille la volonté de censure de Marine Le Pen. Vous voyez, cette petite affaire Dominique Voynet, c'est l'anecdote un peu caricaturale qui nous rappelle que sur les questions d'énergie, nous ne sommes toujours pas guéris de la schizophrénie française. L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trémolet-Villers. Et à la une du Figaro ce matin, le front fissuré des Européens face à la Russie de Vladimir Poutine. Merci Vincent, à lundi. Il est 7h56, merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée, très bon vendredi. Vendredi, nous sommes le 21 mars et il y a 31 ans, le 21 mars 1994, Tom Hanks reçoit son tout premier Oscar pour son rôle dans le film Philadelphia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away. Le film Philadelphia recevra aussi il y a 31 ans l'Oscar de la meilleure musique signé Bruce Springsteen. En tout, Tom Hanks aura 2 Oscars dans sa vie.